seule partie, dansons, chantons tous avec Musette Party. C'est réussi, Musette Party a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Nos cœurs pleins d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis, Musette Party, c'est notre vie. Et c'est parti, dansons, chantons tous avec Musette Party. C'est réussi, Musette Party a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guère peut s'emplir à les cœurs de joie, de bonheur, pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin. Un peu d'accordéon, c'est bon. Eh bien, bonjour auditrices, bonjour auditeurs, bonjour internautes, bienvenue sur les ondes de Radio Guémouzo 107.0 à Saint-Étienne-Mirmont, sur les ondes de Résonance FM à la Bresse, sur le 88.1 et sur les ondes de Fréquence Amitié à Vesoul sur le 91.3. Eh bien, aujourd'hui, une nouvelle émission va commencer dans quelques instants. Comme chaque semaine, eh bien, c'est votre émission Musette Party entre 10h et midi sur Radio Guémouzo, à peu près. Dès 11h sur Résonance FM, ça c'est dès 11h, et dès 9h sur Fréquence Amitié. Le samedi et le dimanche, eh bien, c'est dès 5h sur Résonance FM à la Bresse, et dès 7h sur Radio Guémouzo, le dimanche. Voilà. Et autrement, vous pouvez nous réécouter toute la semaine, ou alors même télécharger l'émission Musette Party via radioguémouzo.eu. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai une surprise pour vous. Eh bien, nous avons une invitée de marque, de renom, populaire, dans tout l'univers entier. Alors, c'est Clémence, je nomme Clémence du Chaussois. Bonjour Clémence. Bonjour Cyril et bonjour à tous les auditeurs. Voilà. Alors, j'espère que c'est une bonne surprise pour vous. Hein. Pour nous, oui. Voilà. Donc tu es venu nous présenter ton album. Voilà, le tout premier. Voilà, ton tout premier en plus. Eh oui. Ah oui, ça fait plaisir. Hein. Voilà, on est très heureux. Toute l'équipe hein, autour de moi, bien. Nous sommes heureux, les techniciens. Hein. Les éclairagistes. Alors tu nous viens tout droit de la Somme. Voilà, des Hauts-de-France. Voilà, de Marché... Marché-le-Pau. Donc c'est entre Amiens et Saint-Quentin pour éclairer un petit peu plus. Marché-le-Pau. Voilà, c'est ça. Ah bah, t'as du pot alors. Oui, voilà. Alors, ton tout premier album, 18 titres. Oui, un 18 titres, donc avec des compositions et des reprises également, issues des émissions 1, 2, 3 musettes et 1, 2, 3 dansées. D'accord, oui, parce que tu es une habituée. Voilà, une habituée des Vosges maintenant. Voilà. Faut acheter une maison. Ben un chalet. Pourquoi pas ? Voilà. C'est tellement joli. Ah oui. Oui, c'est ben, la Picardie aussi, c'est beau. Oui, enfin, les Hauts-de-France. Voilà, les Hauts-de-France maintenant. Maintenant, hein. Oui, oui, on n'a plus trop l'habitude. Mais les Vosges, ça change. Ben là, c'est. Ça s'appelle comment ici ? Ben les Hauts-de-France aussi, hein. Je crois, non ? Les Vosges. C'est pas les Hauts-de-France aussi ? Non. Non, c'est Grand Est. Ah oui, le Grand Est, ah oui. C'est chez toi, cependant. Bon, oui. Oh là. Je savais plus le nom. Ben dis donc, comment que t'as appris ? Heureusement, ah oui. J'ai révisé avant de venir. Oui, c'est le Grand Est ici, oui. Mais par rapport à la Corse, tu vois, c'est quand même les Hauts-de-France nous. Hein. Par rapport à la Corse, forcément. Alors, tu composes. Voilà. Oui. On s'y met tout doucement, mais sûrement. Oui. Et puis... T'as des idées qui te viennent ? Des idées qui me viennent, donc on prend le téléphone, on s'enregistre et puis... La journée, la nuit ? Ça dépend. Ça dépend. En voiture. En voiture. Alors tu chantes ? Un peu, forcément. Ou alors t'es d'accord avec toi ? Alors, en voiture, c'est pas facile. Oui. Vaut mieux s'arrêter alors. Voilà. Oui. Parce que s'enregistrer et tout, puis le téléphone à la main, c'est interdit. C'est interdit. Interdit. Alors donc, on va commencer hein, tout de suite l'émission. On reviendra après sur tes débuts, sur ta carrière jusqu'à là. Hein ? Bien sûr. Si tu es d'accord. Bien sûr, bon. Avec plaisir. Alors, le Matador Musette. C'est ça, un passo doble. Voilà, on ouvre le bal avec ça. Comme tu veux. Voilà, le Matador Musette, c'est toi qui as trouvé le titre ? Non, c'est Jérôme Richard. Ah, c'est Jérôme. Donc, c'est signé Pierre Louvain. Pierre Louvain, donc, autrement dit... Monsieur Pierre-Yves Lombard. Voilà. C'est son nom de scène. Tout à fait. Clémence du Chaussois. Voilà. T'as pas de nom de scène, toi ? Non, j'ai gardé mon nom et mon prénom. C'est bien. C'est vrai que c'est bien. Faut garder son nom. Hein. Parce que des fois, Pierre Louvain, Pierre-Yves Lombard, Eric Faure. On s'y perd. Mais, ah, et Eric Faure et Jérôme Richard. Ah, quoi que pour les compositions, j'ai aussi mon nom à part. Ah oui ? Voilà. D'accord. Bon, enfin, ça, c'est un secret normalement. Voilà. On doit pas le dire. Non. On n'a rien dit. Hein. Alors, Clémence du Chaussois, eh bien, ouvre le bal avec le Matador Musette et bienvenue dans Musette Party. Bonne émission à vous. Allez, Clémence, lâche le taureau. Olé. Oli. Ah non. Et voilà pour les passodoubles. Hein, t'as reconnu ? Bien sûr. Clémence ? Voilà, c'était notre ami Jérôme Richard. Là, à l'accordéon. Alors, je ne sais plus si c'est le titre, ça doit être la Feria de Madrid, c'est ça ? Non, ça doit être Retour de Grenade. Grenade. Je crois. Voilà, hein, ça se ressemble un petit peu. Et deux têtes en plus, hein, t'as vu ça ? On est fort, hein ? On voit que t'es pas venu au restaurant avec nous hier soir. Ah, parce que je suis frais. Voilà. Comme un gardon. Bon, si j'étais venu. Donc, cet extrait de son tout dernier album, en tout cas, à Jérôme, ton bras droit, non ? Mon conseiller, mon épaule, surtout. Oui, oui, c'est vrai. Et il t'aide beaucoup. Énormément. Voilà, puis on le remercie, enfin il nous aide tous, hein, d'ailleurs. Il nous aide tous, il fait énormément pour beaucoup de monde. Oui, pour l'accordéon. Voilà. Il prend un peu le chemin de Maurice Larchange, si tout on veut. Tout à fait, de toute façon, c'est le terme qu'il a employé indirectement quand il a voulu m'aider. Il m'a dit, il faut que je rende ce que Maurice m'a donné. Ah, d'accord, voilà. Bah voilà. Bah voilà. Tu vois ? Je devrais être voyant. Voilà. Donc là, cet extrait de cet album, justement, je veux dire, le titre, hein, quand même, le meilleur des émissions TV 1-2-3 danser. C'est ça. Voilà, l'animateur de l'émission 1-2-3 danser et 1-2-3 musette. Voilà, on en revient d'ailleurs. Aux côtés de Pierre-Yves. Voilà, on en revient. C'est vrai, c'était cette semaine d'ailleurs. Hein. Donc, après le passodoble, eh bien, on va quand même dire, on voudrait quand même plus te connaître, nous, les Vosgiens. Ah bon ? Bah oui. Les radios game aux auteurs, les. Tu vois. Bon, faut trouver des noms. Hein. Les game aux auteurs. Les game aux auteurs. Non, non, mais. Non. Alors, donc, comment t'es venue l'envie de jouer de l'accordéon ? Alors, toute petite, à l'âge de 2 ans et demi déjà. À quel âge ? À deux ans et demi, à l'époque, il y avait l'émission de Michel Pruvot. Ah bah oui, sur un air d'accordéon. Sur FR3. Oui. Donc, toute petite, je piquais la télécommande à mes parents pour mettre la chaîne et m'installer devant la télé. Oui. Donc déjà une attirance folle pour l'accordéon. Oui, c'est attiré. Voilà, et à l'âge de 5 ans, donc j'avais toujours l'idée. Et puis j'avais eu un petit clavier pour m'amuser à l'époque. Et, bon, tant pis. Et mon grand-père était musicien. Il jouait d'un instrument aussi, ton grand-père ? Oui, il jouait, oui. Bon, pour son plaisir, il jouait du saxophone. Ah oui, ah, c'est joli ça. Et donc, un jour, un repas de famille, j'ai pris le clavier et je m'amusais dessus. Et mon grand-père dit à ma mère, écoute, faut que tu l'inscrives en cours de musique, elle a l'oreille musicale, elle arrive à faire de belles choses. Ah oui ? Donc j'avais 5 ans. Donc on m'a emmené en école de musique pour choisir l'instrument. Et puis on a fait un peu le tour des salles, donc le violon, le piano. Oui. Et je voulais absolument un instrument où on pouvait être au contact du public. Donc descendre de scène pour pouvoir partager. Oui. C'est à 5 ans, c'était mon objectif. Et donc l'accordéon, c'était une évidence immédiatement. Et ça ne m'a jamais quitté. D'accord. Ah oui, c'est bizarre ça. Voilà. Ah oui. Donc j'ai pris des cours. C'est grâce un peu à Michel Pruvot alors ? Bah, à la base, oui, bah oui. Et puis bah, les invités de l'époque aussi. Oui. Donc c'était Aimable, c'était Yvette Horner, André Verschuren. Oui. Tous les plus grands. Bah oui. Donc, Louis Ludrich. Voilà, Louis Courtiard. Voilà, oui. J'étais en admiration devant tous ces grands-là. Mmh. Et puis bah, j'ai commencé à 5 ans. Les concours, les premiers concours 6 mois après. Oui. Et puis bah, les cours qui se sont enchaînés. J'ai pris un petit peu de cours de piano aussi. T'as fait le conservatoire ? Non, une école chez nous réputée qui s'appelle Royer Musique. Donc ils ont un peu des magasins un peu partout en France. Ah oui, je connais, oui. Voilà. Oui. Donc j'ai pris des cours avec eux. Et puis à l'âge de 10 ans, j'ai pris des cours un peu plus sérieux. Oui. Mais dans une association, une école associative. Oui. Et à l'âge de 15 ans, j'ai arrêté totalement les cours. Pour me perfectionner seule. D'accord. Tout simplement. Mmh. Oui, parce que tu te sentais à l'aise, quoi. Tu savais que tu pouvais y arriver. J'avais plus la possibilité de prendre les cours. Voilà, la situation familiale ne permettait plus de. Bah oui, de. Voilà, le travail de ma maman, tout ça, oui. C'était plus possible. Mmh. Donc, mais ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté. J'ai continué toute seule et j'ai fait mon premier thé dansant seule à l'âge de 9 ans. Ah, à 9 ans ? À 9 ans. Ah oui, carrément. Toute seule avec mon accordéon, une sono d'occasion et un clavier. Ah ouais ? Voilà. Et alors ? C'était magique. Oui. J'en ai des souvenirs merveilleux. Oui. T'avais un peu la boule au ventre ? Non, quand même. Non ? Jamais. Jamais ? Jamais. Même pas la première fois ? Jamais. C'est un plaisir fou à chaque fois de me retrouver sur une scène. Oui. Et c'est. Voilà. Oui, t'es amoureuse, quoi. T'es... Et plus je crois que plus je prends de l'âge, Et Pierre sait. Oui. Plus je prends un plaisir fou à être au contact du public, les faire danser et à m'amuser avec eux, tout simplement. Bah oui, oui. Oui, c'est vrai que c'est un échange entre le musicien, les danseurs, les danseuses, enfin avec le public. Tout à fait, c'est la priorité de toute façon. On ne serait pas là sans les danseurs. Puis l'accordéon aussi. Hein. Bien sûr. Parce que c'est aussi un contact avec l'accordéon. Bien sûr, tout à fait. Bah oui. Moi, j'appelle ça mon bébé. Voilà. Les accordéons, c'est mes bébés. C'est aussi, j'ai un petit garçon, mais mes accordéons sont aussi précieux que mon petit garçon. Tu me diras, c'est les accordéons, c'est des bébés. Hein. En plus, je peux le dire, ouais. Oui. Des ABB. Oui. ABB, non, c'est pas bébé, normalement. ABB. Andrea Ballon-Durini. Parce que là, on voit que bébé. Oui, mais t'as le petit Andrea marqué devant ou le A sur le logo. Ah, on le voit pas trop bien. Oui. C'est discret. D'accord. C'est le bébé qui est plus gros que A. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, on poursuit avec, si tu veux bien, tiens, on va passer une petite valse. Une valse. J'ai vu qu'il y avait une valse, le bal de Clémence. Oui, le bal de Clémence, qui est d'ailleurs le titre de l'album. Voilà, c'est le titre fort. Voilà, en fait. C'est la première composition, tout simplement. C'est ta première composition. C'est ma première composition. Donc, pareil que j'ai écrit toute tremblante sur dictaphone. Je me suis enregistrée, j'envoyais ça à Jérôme. Oui. Et Jérôme l'a arrangé. Et c'est ma toute première. Il a dit on va en faire quelque chose. Voilà. Voilà, d'accord. Le bal de Clémence. Voilà. Donc, c'est le titre fort. Et c'est signé donc Jérôme Richard, Clémence Duchaussois, ici présente, en chair et en os. Surtout en chair, parce que tu es chair à nos yeux, je veux dire. C'est gentil, ça. Voilà. Non mais je veux pas... Hein. Qu'il n'y ait pas de problème. Hein. Ah non. Et de Pierre-Yves Lombard. Aussi, voilà. Voilà, vous êtes les trois compositeurs. C'est ça. Et il n'y a pas de paroles. Non. Non. Pas sur celle-ci. D'accord, parce que tu fais des paroles aussi. Pour l'instant, les paroles, j'ai plutôt fait sur les reprises donc des émissions. Oui. Mais là, il y a des beaux projets à venir. D'accord. Avec plus de chants. Bon, très bien. Allez, c'est parti pour le bal de Clémence. Très jolie valse. Interprétée par Clémence Duchaussois, ici présente, qui nous vient de la Picardie, enfin des Hauts-de-France. Voilà. Pour être à la mode, à la page. pas pour le mambo, mais pour la valse musette. Elle flirte avec le parquet, sans se poser de questions. Elle fait tourner les têtes au son du bel accordéon. On l'appelle la valseuse de nos gens, avec elle vive la saison nouvelle. Elle est si belle, c'est comme le printemps. Ses beaux yeux bleus m'ensorcellent, je l'aime. On l'appelle la valseuse de nos gens, avec elle retour de l'amour. Sur un air de romance, je suis comme je l'avoue. Ben c'est la reine de la danse. Elle tourne tout en cadence, avec beaucoup d'élégance. Elle fait tourner la danse, elle se dépense, sa balance. Sur cette terre, elle se délasse. Cette fille a vraiment la classe. Attention et la gasse, et ça jacasse quand elle vous embrasse. On appelle la valseuse de nos gens, avec elle vive la saison nouvelle. Elle est si belle, c'est comme le printemps. Ses beaux yeux bleus m'ensorcellent, je l'aime. On l'appelle la valseuse de nos gens, avec elle retour de l'amour. Sur un air de romance, je suis con, je l'avoue. Ben c'est la reine de la danse. On appelle la valseuse de nos gens, avec elle retour de l'amour. Sur un air de romance, je suis comme je l'avoue. Ben, c'est la reine de la danse. Alors vous êtes bien dans, vous êtes parti, on discute hein. C'est vrai que quand on est hors antenne, on ne voit pas le temps passer. Hein. On en profite. Bah oui. Alors c'était Michael Richard, donc le frère à Jérôme. Voilà, c'est ça, le marchand de bonheur. Voilà, c'est pas les trois frères, là c'est les deux frères. Hein. Et les trois frères et les deux frères. Mais ils sont trois, mais le dernier... Ils sont trois. Ah oui. Ah bon? C'est vrai? Oui. Ah, je ne savais pas qu'ils avaient encore un autre frère. Si, si, un peu plus jeune, mais il n'est pas cordonniste. Ah oui, d'accord. Il n'est pas boutonneux, lui. Non. Non. Donc vous avez pu apprécier à l'accordéon et au chant eh bien Michael Richard avec la valseuse de nos gens, signé Jérôme et Michael Richard. Voilà. Très jolie valse. Hein. J'allais dire une très jolie valse, bah oui. Et puis Michael a une superbe voix. Ah bah il chante super bien. Ah oui, oui. Oui. Bah Jérôme aussi. Oui, bon, ça fait pareil. Pas longtemps qu'il s'y est mis non plus Jérôme. Hein. Oui, oui, oui. C'est assez récent, mais c'est mon chanteur sur mon album. Oui, ah oui. D'accord. C'est lui le chanteur. J'avais pas, je lui dis Jérôme, écoute, j'ai pas de chanteur pour le CD, mais ici si, je suis en face de toi. Oui, cool. Donc on a fait des duos au chant du coup, et puis il a fait quelques petites interventions aussi sur certains titres. Oui, oui. Alors tu es à la tête d'un orchestre, autrement tu joues seule en orchestre aussi? Alors je suis toujours toute seule. Toujours toute seule? Tout le temps. Ah bah comme ça t'es pas embêtée avec les autres musiciens. Tout à fait. Au moins t'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Voilà, et c'est une des raisons, et puis j'ai pas encore trouvé les bonnes personnes avec qui m'associer tout simplement. Oui, oui. Et j'arrive à mener mon petit chemin toute seule, donc tout se passe très bien. Mmh. Bah c'est très bien comme ça. Voilà. Ça roule ? Ça roule très bien. Mmh. Les dimanches sont... Donc du coup, tu joues en midi, enfin avec un accordéon... Non, enfin mon accordéon est midi, mais je joue principalement sur bande. Sur des bandes. Voilà. Voilà. Donc c'est orchestré, pareil. Hein. Voilà, c'est comme s'il y avait l'orchestre. Mais c'est orchestré, voilà. En plus, c'est des orchestrations faites par Sébastien Perrin, donc par un vrai orchestre. Voilà, donc c'est très propre. C'est très propre, très net, et c'est pas voilà, il y a pas d'enregistre. Il y a pas de bande faite par arrangeur en fait. C'est proxénète. Tu détournes. je plaisante. Hein. Bon, apprenez presque dans rire et chanson. Hein. Rire et accordéon. Rire et accordéon. Bah, c'est à faire, hein. Ça n'existe peut-être pas si ça se trouve. Eh ben, voilà, rire et accordéon. C'est une idée. On devrait faire ça. On va monter ça, non? tu joues toute seule et autrement, ben, tu te déplaces dans toute la France. Dans toute la France, voilà. Bon, au début, on est resté un peu sur la région Nord. Oui, bah oui. Parce que bah, voilà, hein, faut mener le petit chemin. Et puis, bah, plus ça va, plus ça s'étend, plus je fais de jolies rencontres. Oui. Je voyage, voilà, découvre la France à travers mon métier. Toujours en voiture. Toujours en voiture, enfin, quoique là cet été il y a un projet d'avion. Ah oui, d'accord. Bah, jusque Gap, ça va être long sinon. Ouais, oui, c'est les Alpes là. Les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes, voilà. Oui. Pour les, bah, tout simplement pour les 30 ans de carrière d'Emmanuel Patras. D'accord. Donc on se rejoint à quelques-uns pour un festival là-bas, donc on va prendre l'avion jusque Marseille. Les amis. Voilà, les copains. Oui. Voilà. Et Elena aussi. Et Elena, voilà, oui, la grande famille salue. De l'accordéon. Voilà. Voilà, on leur fait un petit coucou, mais oui. On les a vus. Jeudi. Voilà, moi je les ai vus mercredi, jeudi, oui. Et toi tu as dû les croiser. Ouais. Je les ai croisés, oui. On s'est croisés en. C'était en coup de vent, quoi. Comme souvent. Alors des fois c'est pas un coup de vent, hein. Des fois on reste longtemps ensemble. C'est tout ou rien, quoi. Et c'est toujours des très bons moments partagés entre collègues et amis et pourquoi pas même famille. C'est... Bah oui. Voilà. C'est énorme, c'est un grand... C'est des liens, voilà, des liens super importants et quand on se retrouve, c'est un monde à part, on est dans notre petit monde d'accordéonistes, de potes et, bah et oui. On profite bien de ces moments. Bah oui, parce qu'ils sont rares aussi. Hein. Voilà. Enfin, ils se font quand même régulièrement, mais rares. Rarement, le dernier, voilà. C'est en juin. Oui, c'est vrai. Non mais c'est bien, oui. Je dis que c'est un beau métier aussi qu'on a, on a de la chance. Le plus beau métier du monde. Voilà. Alors, tango pour Jules, dis-nous qui est Jules. Alors Jules, c'est tout simplement mon petit garçon. Non. Donc c'est mon fils qui a 7 ans. D'accord. Qui lui aussi se met Bignou. Voilà. Ah oui. Lui aussi est le Bignou. Donc, bon, tout doucement, il y va à son rythme. Il a son petit 40 basses. Oui. Et puis, il veut suivre les traces de maman. D'accord, il veut faire pareil. À ma grande surprise, parce que bon, je ne l'ai forcé à rien. Et pour ses 4 ans, en cadeau d'anniversaire, il nous a réclamé un accordéon. D'accord. Voilà. Ah oui. Et il aime bien. Il adore ça. Il prend pas de cours encore, si. Avec moi. Avec toi. C'est toi la prof. Est-ce que tu es professeur, tu enseignes? Non, juste pour lui. Juste, ah oui. Juste pour lui, mais c'est pas facile d'être maman et professeur en même temps. Bah voilà, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Des fois, quand c'est dans la même famille, on n'a pas facile à. Eh ben, bah, mais écoute, pas pareil. Oui. Voilà, oui. Il a pas la même écoute que si oui. J'étais vraiment un vrai professeur. Voilà, quoi, donc, il se dit, ah bah c'est maman, c'est cool. Voilà, c'est voilà. Cool. C'est bon, en principe, c'est le mercredi, mais des fois, il me dit, oh non, aujourd'hui, j'ai pas envie. Oui, voilà, oui. Et je le force pas. D'accord. C'est vraiment, faut que ce soit son plaisir. Bah voilà, et après, il faut avoir l'envie. Tout à fait. Donc, parce que s'il n'y en a pas l'envie, ben. Parce on que fait les gens, ça, des fois, me disent oh, le petit, il joue, mais maman a dû lui demander de jouer, et non, pas du tout, du tout. Voilà. Ça doit être une passion avant tout, la musique, et pas une obligation. Moi, voilà, je le fais par ça. Passion et jamais par obligation. Bah oui, parce qu'autrement, on ne le fait pas très, très bien. Maman. Si on le fait à contre-cœur, voilà, après. Si on n'arrive pas à faire ressentir notre musique aux gens, ça ne sert à rien. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Oui. Alors, bah, juste un moment, on va écouter ce tango pour Jules. Enregistré au bandoneon, celui-ci. Bah, tu joues du bandoneon ? Eh oui ! Ah bon ? Depuis peu, depuis le mois de mars. Oh ! Depuis le mois de mars, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre le bandoneon de Jérôme. Ah bon ? Donc, je m'y suis mise et du coup, on l'enregistre en duo. Ah oui, bah je t'ai jamais vu à la télé avec un bandeau, si ? Ah si ? Ah bon ? Moi j'ai jamais trop fait gaffe alors. Bah, j'ai encore enregistré avec là, jeudi. Ah oui, mais t'en fais pas trop, tu fais peut-être un ou deux morceaux. Bah, pour l'instant, pour les émissions, il y a que Tango pour Jules, mais je fais toutes mes séries de tango en balle au bandeau. Ah bien ! Voilà. Ah c'est joli le tango, le bandoneon. C'est magnifique. Oui. Un tango c'est magnifique. Au bandoneon. Et ça se ressent, c'est... Oui. C'est sublime comme instrument. Ah bah c'est un super instrument. Enfin surtout pour le tango. Voilà. Et les passos. Il y a des passos aussi qui se font. Alors il y a les passos et les cumbias maintenant aussi. Ah oui. Voilà, la cumbia au bandoneon passe très très bien. C'est un côté un peu plus... Un peu plus latino. Voilà, plus, c'est ouais. Ça. Ouais. C'est génial. Ouais. Alors c'est parti, tango pour Jules au bandoneon s'il vous plaît. Et c'est de Clémence Duchaussois et Eric Faure. Un petit nouveau. Et Pierre Louvain. Voilà. Le Loulou. Alors, Louvain, on Loulou. Va lui trouver son nouveau petit surnom. Voilà, c'est Loulou. Pierrot Loulou. Allez. Allez, on y va pour le tango. Thank you. Eh bien, c'était Laura Wimard, que tu connais également, Laura. Bien sûr, on a mangé ensemble hier soir. Ah oui, d'accord. Avec Laura. Avec Laura. Une vedette de l'accordéon, une jeune. Une petite jeune, oui. qui a beaucoup de talent et, comme je lui disais hier, elle reprend et c'est une très bonne chose. Bah oui. Voilà, ah, il faut se donner, quoi. Voilà, à il fond. Faut. Voilà. Donc là, c'était tango, pas pour Clément, mais pour papy, là. Donc c'est pour son papy qui n'est plus du monde, malheureusement. Malheureusement, et à qui elle tient encore beaucoup. Voilà. Bah oui. Hein. Voilà. Donc c'est un tango qu'elle a co-signé avec Frédéric Buche, avec sa maman aussi, Christelle, ta grande sœur. Voilà, ma grande sœur de cœur, tout simplement. Et c'est un tango également de Cyril Renaud. Tu sais qui ? Je sais pas, je connais pas. Voilà, on l'a fait tous les quatre. Enfin, on l'a fait. Oui, si, on l'a fait tous les quatre. Ouais. cet extrait de cet album à la poursuite des boutons. Et non pas des moutons. Hein. Parce que, autrement, ça ferait bergère, autrement. Avec 14 titres. Voilà. Donc, Clémence, eh bien, du Chaussois. Pour la première fois dans les studios de Radio Guimauzo. Voilà. Et avec grand plaisir. Bah, j'espère que tu reviendras. Bien sûr. Bon, maintenant tu connais la route. Maintenant je connais la route et puis comme je suis assez régulièrement dans les Vosges. Voilà, et c'est pas au rond-point la radio, hein, elle est pour rond-point là-bas. Alors tu animes aussi une émission d'accordéon, tu disais, là, non, tout à l'heure, enfin, tu participes. Alors je participe, voilà, je suis régulièrement invitée dans les émissions de radio, donc des Hauts-de-France. Oui, donc, il y en a beaucoup là-bas aussi. Hein. Il y en a pas mal, et puis, donc bon, c'est surtout deux radios avec qui je collabore pas mal, donc oui. Il y a Radio Plus qui est plus sur la région de Lens. Et une autre sur la région plutôt de l'Oise, donc tout ce qui est Noyon, voilà. Mmh. Donc Radio Plus et Radio Puisalène. D'accord. Donc là, la Plus, c'est Radio Puisalène. Alors, il y a Radio Plus qui est sur Lens et Radio Puisalène sur Noyon. Ah oui. Donc là, tu participes régulièrement aux deux, quoi. Aux deux, voilà. Et puis, bon, on a là Radio Puisalène qui organise tous les ans un grand festival au mois de septembre. Donc, j'ai eu la chance d'en faire partie, là. Un festival d'accordéon ? Voilà, un festival d'accordéon. D'accord. Donc, il n'y a que de l'accordéon. Forcément. D'accord. Et c'est à quelle date, alors ? S'il y en a qui veulent y participer. Alors, c'est généralement, ils font ça le deuxième dimanche de septembre. Ah oui, d'accord. Voilà. Il fait encore beau au mois de septembre. On a eu très chaud cette année. Bah surtout cette année, oui. C'est un peu exceptionnel, hein, je crois. Ah oui, bah surtout dans le nord. Oui, oui, bah oui. Oui, surtout dans le nord, oui. C'est vrai que dans le nord, en général, on a un peu froid. Non, c'est ça un peu va. Frisqué, mais ça se réchauffe. Oui. Bah c'est vrai que vous êtes très friands, il y a beaucoup d'accordéonistes à part chez vous. Ah, on est beaucoup, beaucoup et de très, très bons accordéonistes. Bah oui. Donc, il y a Romain Pruvot. On a Romain Pruvot, on a Cédric Després. Non. Voilà, Guillaume Pruvot, Cédric Després, Arnaud Guimard. Voilà. Enfin, il y en a énormément. Serge Carpentier. Serge Carpentier qui avait annoncé sa retraite et puis. Finalement, non. Bah, Michel Pruvot. Il fait toujours un petit peu. Michel tourne encore un petit peu aussi. On a Jérôme Desnaux, on en a plein. Oui. Delphine Hubin. Oui, Delphine Hubin. Une collègue féminine. Oui, oui, oui. J'en ai pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, non, on a Seb Presta, on a. Il y en a vraiment, vraiment un bon paquet, quoi. Mmh. Et il y avait Michel Lécuyer aussi. Michel Lécuyer, Hervé Delohen aussi. Hervé aussi, notre ami Hervé. Voilà, ah oui. Notre ami qui tourne beaucoup aussi. Et... Mmh. Oh non, mais on arrive toujours à avoir notre secteur et à se partager le travail tout en restant amis et sans conflit. Mmh. C'est ça qui est bien. Parce que... Oui, et puis respectueux aussi, vous respectez voilà. L'un envers on l'autre. Pourrait être, on pourrait être beaucoup et se marcher dessus. Oui. Et que là, non, il y a toujours. Se mordre. Voilà, il y a toujours une très bonne entente entre tout le monde et, c'est important. Et de l'entraide aussi. Bah oui, oui. L'entraide, oui, marcher main dans la main. Voilà, parce que je suis la petite dernière arrivée hein, sur le marché. Et il y a eu beaucoup d'entraide aussi au niveau des dates et de la communication de la part des collègues. Bah oui, d'accord, très bien. Alors bah tiens, on va aller danser un petit country si ça te dit. Bien sûr. Parce que j'aime bien le country aussi. Et c'est le cowboy joue de l'accordéon. Alors celui-là est vraiment sympa et donc je suis... Parce que je crois que je t'ai déjà vu et en cowboy toi. Bien sûr, avec le chapeau de cow-boy, voilà, pour les tournages. Donc celui-ci, il est en duo avec Jérôme Richard. Non. Juste le chapeau. Le cheval aussi. Le chapeau et le micro. Et le cheval. Non. Non. L'accordéon. C'est un truc à faire, non ? Tu viendrais avec un cheval. Avec un cheval, avec un poney. Oui. Sur le plateau et tout. On donnera à Pierre-Yves. Donc il a été enregistré en duo avec Jérôme, celui-ci. Donc, vous êtes en duo en plus. Accordéon et chant. Ah oui. Donc il n'y a pas deux accordéons alors. Ah si, il y a deux accordéons. Y a deux accordéons. Et nos deux voix. D'accord. Voilà. Ah oui. Ah bah puisque c'est ça, on fera un country avec Christelle si tu veux là après. Ah bah bien sûr. En duo aussi alors. Alors le cowboy joue de l'accordéon, donc c'est de Angeles. Nicolas ? Non. Non, c'est Michael Vigneault. N. Angeles ? C'est le nom de Michael Vigneault. Ah bon ? D'accord. Voilà. C'est son nom de scène. Pour les compositions. Voilà, c'est, oui, c'est pour le compositions. Oui, un peu comme Eric Faure. Voilà. Ou Pierre Louvin. Voilà. Voilà. Ou Jean-Pierre Surimaud. Hein ? C'est qui c'est, Jean-Pierre Surimaud ? Non. Bah, Maurice L'Archange. Ah d'accord, bah tu vois, j'apprends quelque chose, je ne savais pas. Bah oui, voilà. C'est son nom de scène, Jean-Pierre. Enfin, c'était. Malheureusement. Donc c'est parti, on va donc là, pas lâcher le taureau, mais le cheval. Le cheval. Voilà. Tu fais le cheval ? Non. Ça ne sera pas. Il faudra aller chercher le lasso. Je crois que là, j'ai épouvanté. Hein. Un épouvantail à Renault. Allez, c'est parti pour le country et Clémence avec son bal. C'est l'histoire du cow-boy qui joue de l'accordéon. C'est lui le plus rapide. Il fait la loi en chanson, un cigare et un chapeau. Il monte sur son cheval, c'est le roi du lasso. Il est phénoménal. C'est le cow-boy qui joue de l'accordéon. C'est lui qui fait la loi en chanson. Il joue de l'accordéon, il joue de la gâchette. C'est lui le plus rapide. Il passe toutes ses journées à trinquer dans un salon. Il aime bien s'habiller comme une star de cartoon. Quand les Indiens le voient, pour ne pas risquer leur vie, ils n'ont qu'un seul choix, retourner dans leur tipi. C'est le cow-boy qui joue de l'accordéon. C'est lui qui fait la loi en chanson. Il joue de l'accordéon, il joue de la gâchette. C'est lui le plus rapide des cow-boys et Far West. La loi en chanson, il joue de l'accordéon, il joue de la gâchette, c'est lui le plus rapide des cow-boys et Far West. C'est lui le plus rapide des cow-boys et Far West. C'est le cow-boy Eh bien, c'était Christelle Jeanblanc et Cyril Renaud en duo. Et en plus de ça, on fait des verres, t'as vu ? Eh ben oui. C'est toujours magnifique quand vous êtes en duo tous les deux. Ouais, c'est joli. C'est vrai que ça rend mieux, hein, des fois. Bah enfin, oui, il y en a qui vous accordez préfèrent. Tellement bien. Tu trouves ? Ah oui, moi j'adore. Oui, non mais si, c'est vrai, j'aime bien. Donc là, c'était la country texane. Extrait de mon album Bal Vosgien volume 4, le tout dernier. Je sais pas si tu l'as. Si tu le l'as. Rouge ? Oui, il est un peu rouge là. Oui. Oui, rougeâtre, bordeaux. Je l'ai. Oui. Noir. Un très bel album. Ah bon, t'aimes bien ? Oui. Ah bah c'est gentil, merci. Voilà, donc on retrouve ce country, c'est de Hubert Ledent, Éric Colomb, je sais pas si tu connais. Alors, Hubert Ledent, oui, mais le deuxième, non. Éric Colomb, bah en fait, c'est l'accordéoniste qui joue avec Hubert Ledent. D'accord. Voilà. C'est pas de la famille à Christophe, hein, Colomb. Éric Colomb, Christophe Colomb, non. C'est de Jean Lallemand aussi, Jean Lallemand, un cousin Frédéric Lenglet. Oui. Non, c'est pas vrai. Hein. Bah, si. Non, non. Bah non. C'est Jean Lallemand. Mais, oh, mais non, mais je croyais qu'ils étaient de parenté. Ah non, non, non. Ah, je croyais. Non, non. Non, bah en fait, c'est une blague à moi, ça, c'est pour ça. Non, mais je crois. Enfin, est-ce qu'il y a un accordéoniste Oui, bah il y a Frédéric Lenglet, tu connais? Oui. Oui. Enfin, je vais le rencontrer pour la première fois là, le 11 novembre. Ah, pour la première fois, voilà. D'accord. Non, non, mais en fait, c'est pas la même famille, c'est parce qu'il y a l'anglais et l'allemand. Tu vois. Les blagues à Cyril. Voilà, t'as compris, là. Oui. T'avais pas compris sur le coup. Non. Ah bon. Je suis fatiguée encore, tu vois. Elle est bonne quand même, celle-là. Elle est pas mal. Voilà, et c'est de Christelle Jeanblanc aussi, voilà. Jeanblanc. Son cousine, elle a un cousin qui s'appelle Jean Noir. Bon, elle est moins drôle, celle-là. Moi. Oui. Donc on vous donne rendez-vous du côté de Joinville, à Joinville en Haute-Marne, le dimanche 3 novembre, voilà, à Joinville. Tu connais Joinville ? Pas Joinville-le-Pont, hein. Je suis jamais allée, mais le nom, oui. C'est vers Saint-Dizier, dans les coins là. Donc c'est du coin, dans le coin où je vais aller jouer au mois de novembre. Donc tu vas aller jouer au Madison, non ? Tout à fait. À Revigny-sur-Ornain. C'est ça, le 24 novembre. À côté de Bar-le-Duc. Voilà. Le 24 novembre. Ah, c'est le 24 novembre. Tout D'accord. à fait. Ah ben, j'y étais la semaine dernière. Oui, ben Christelle m'a dit ça hier. D'accord. Très beau dancing aussi. Enfin, discothèque, dancing. Mais pareil, paraît que c'est un très bel endroit. Elodie Genoux y a été il n'y a pas longtemps non plus, je me disais. Ben, elle y était la semaine avant moi. Oui. Voilà, donc ouais, c'est prévu le 24 novembre. Donc tu y vas le 24 novembre. Alors c'est à noter dans votre carnet de bal, hein, ça. Très important, hein. C'est rare. Voilà, de 14h30 à 19h, Clémence sera du côté de Revigny-sur-Ornain. Pour la première fois dans la région de la Meuse. Voilà, pour la première fois dans les Hauts-de-France. Non, dans le Grand Est. Dans le Grand Est. Ça va rentrer. Oui, ça va rentrer, oui, ça va aller. Ça ira mieux ce soir. ben, je vais quand même donner des numéros de téléphone. Je sais pas si tu les as sous le coude. Non ? Mais j'ai le mien. Oui, ah ben, il y a le tien. Allez, on va donner le tien alors. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 50 54 16 56. Voilà, donc ça, c'est le contact à Clémence. Voilà, et j'ai aussi le site internet. Donc, www.clémence-duchaussois.fr. Voilà. Ça, c'est le site internet. Voilà, donc vous pourrez retrouver des photos, les prochaines dates. Tes partitions. Ah non. Non ? Non, les partitions, alors pour les retrouver, c'est tout simplement sur le site 1, 2, 3 Musette. Ah oui, donc voilà. Voilà, il n'y a pas encore l'accès pour les téléchargements, c'est en route. Et donc la page contact également, si vous voulez m'envoyer un petit message ou tout simplement pour savoir comment se procurer l'album aussi également. Voilà, bon, le mieux c'est de t'appeler. Hein. Tout simplement, voilà, et oui. Puis c'est toujours jamais... plus agréable. Oui, t'as jamais mangé personne. Pas encore. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Et autrement, donc, si vous voulez danser avec nous à Joinville, eh bien, voici un numéro de téléphone. Alors, c'est le 06 15 88 18 32. Je répète, 06 15 88 18 32. Voilà, vous savez tout. Ça, c'est la déléguée de la Ligue contre le cancer, puisqu'en fait, c'est pour la Ligue contre le cancer, ce bal que l'on va faire le 3 novembre à Joinville avec Christelle. Je sais pas s'il y en a aussi par chez vous des thés dansants pour la Ligue. Ça arrive. Ça arrive aussi. Ça arrive. Ben là, il y en a eu quelques-uns, donc pour le mois octobre rose. Oui. Mais oui, ça arrive. On a pas mal de thé dansant pour les associations, pour les causes. Oui. Voilà. Bah oui. C'est bien. Bah oui, c'est bien. Il faut. C'est très bien. Oui. Il en faut. Bah, il en faut. Tout à fait. Je suis d'accord. Bon, alors le numéro du Madison, autrement, je vais vous le donner. Alors j'ai deux numéros. Si vous voulez donc réserver vos places pour le 24 novembre avec Clémence, ici présente. Alors le premier, c'est le 03 29 75 06 25. Je répète, 03 29 75 06 25 ou alors 09 66 42 28 53. Je répète, 09 66 42 28 53. Et en plus, ce serait l'occasion parce que c'est la semaine de mon anniversaire. Eh oui, c'est vrai que t'es né le jour du Beaujolais nouveau. Et voilà. C'est un signe. Voilà. D'où vient les problèmes de foie alors, hein? Non. Avec modération toujours. Oui. Non, mais t'es toujours de bonne foi. Toujours. Bon. Voilà, donc merci Clémence, hein, en tout cas. Avec d'être là, hein, avec nous. Enfin, que nous, avec. Si, avec nous, avec Radio Guimauzo, Résonance voilà, FM. Voilà, et avec les auditeurs. Voilà. Et puis avec Fréquence Amitié, parce que c'est rediffusé cette émission sur plusieurs radios. Mais c'est génial. Voilà, hein. Musette Partie. Il y en a des fois qui disent Nuisette Partie aussi. Ah, aussi. Mais bon. Ça, c'est un peu plus tard. Oui. Alors, on va poursuivre après la country. Eh bien, on va aller danser une Java, tiens. J'aime bien la Java, moi. La Java au dancing. J'aime bien faire la Java. Parce que tu peux mettre les mains sur les fesses des dames. Ah non, même pas. Non, ah, mais parce que nous, dans le Nord, ils la dansent comme ça. Ah non, j'aime bien faire la Java. Ah, bah, comme tout le monde. Pas la danser, quoi, mais la faire. La faire. Voilà, ouais. T'as raison, c'est encore mieux. C'est mieux, hein. Non, parce que je sais pas danser, moi. Ah. Non. Remarque. Je sais pas mettre à pied devant l'autre. Aïe, c'est embêtant. Toi, tu sais ? Non, tu arrives ? Toi, tu sais danser ? Bah, un petit peu. Un petit peu ? Un petit peu. Ah oui. Ah non, moi, je sais pas. Mais bon, c'est rare quand on a le temps de danser. Généralement, on fait bah plus oui. danser les autres. Voilà, on fait danser, donc on n'a pas le temps de danser. Voilà. On peut pas faire. On peut pas être au four et au moulin, quoi. Tout à fait. Voilà. Java au dancing, eh bien, c'est une Java de toi, de Sébastien Perrin. Tout à fait, voilà, signé avec notre ami Sébastien Perrin. Voilà. Qui détient un studio d'ailleurs. Voilà, donc chez qui j'ai été enregistré cet album. D'accord. Et de Jérôme Richard. Oui, voilà. Voilà, ton frère. C'est ouais, un frère, un papa, un ami, enfin c'est tout. Ah, c'est tout. Voilà. Bon. Eh ben, on lui fait un gros bisou à Jérôme. Hein. On l'embrasse bien fort. Mmh. On lui souhaite un bon retour aussi. Hein, une bonne route. Il vient de reprendre la route aussi là. Bah oui. Il a pris la route de... C'est où déjà qu'il Nantes. Est... Nantes, ouais. Voilà, oui. Ça fait un bout, hein. Il y a combien d'heures de route, 6 heures? Il m'a dit 7h, 7h30, là. Ah, 7h ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Ah bah, il joue demain aussi. Ah bah, quel courage. Il en faut, des fois, du courage. Il hein. en faut. Voilà, donc, c'est une jolie Java. Java au dancing. Bah, justement, tu vois, on vient de parler du Madison, hein. Ça serait la Java, là-bas, au la dancing. La Java au dancing. Voilà. Le Madison. Alors c'est parti, on y va avec Clémence du Chaussois ici présente. Voilà. Allez, place à la Java. Java, allez, Java bien. Thank you. Eh bien, merci à notre ami Michel Lécuyer dans Vous êtes parti, qui nous vient également de la des Hauts-de-France. Voilà. Les Hauts-de-France, voilà. Pas la Picardie. Hein. Enfin, c'est anciennement la Picardie. Maintenant, c'est le Hauts-de-France. Et c'était Vive la Java. Là, une Java de Hubert Banvart. Je ne sais pas si tu connais. Non. Et de Michel Lécuyer. Voilà, c'est tout. Avec un bel arrangement. Oui. Je ne sais pas c'est qui lui a fait. Tu le connais peut-être, non, celui qui est en face de moi. C'est vrai qu'il m'avait demandé quelques bandes pour son album, quand il jouait de l'accordéon encore. Parce qu'il joue plus trop d'accordéon parce qu'il a changé de région. Oui, j'ai su ça il n'y a pas très longtemps. Parce que depuis peu, il est alsacien. Ah, ça change. Bah oui. Il passe de, comment qu'on appelle, Picard, de Picard à alsacien. Alors l'accent, ça fait bien les mélanger. Hein. Oui, j'allais dire, l'accent va pas être mal, oui. Entre alsacien et Picard, tu sais, ça fait bon. Encore Picard, on n'a pas l'accent aussi prononcé que dans le Nord. Ah bah oui, dans le Nord, c'est encore pire là-bas. Voilà. Ah bah oui, là-bas, c'est... Souvent, les gens me disent, mais t'as pas l'accent du Nord. Mais non, je suis Picard. Qu'est-ce que je raconte? Hein, je suis hein, comment que c'est? Ah, tu le fais bien. Ah bon? Mais j'ai regardé les ch'tis, moi. Ah, c'est comme ça, hein? C'est ça. Ah bon? Un biloute. Ouais. Ouais, j'aime bien, moi. Tu connais les bases. Ouais, je connais les bases. Bah, c'est à force de fréquenter aussi. Hein. Aussi. C'est vrai que l'accent, moi, ressort souvent en fin de soirée plutôt. Oui, c'est vrai. Le vrai accent, l'origine. Le vrai accent d'origine. Comme l'accent vosgien, je sais pas si on l'a, nous. Hein. Si, un petit peu. Ah, quand si. Même. Ah oui. Si, si. Ah oui. On traîne un peu sur les mots. Mais sur toi, je le retrouve, et aussi sur Frédéric Buch. Ah bah oui, bah, voilà. Ah bah oui, Frédéric, lui, c'est le haut de Vaud. Genre, le vrai Vosgien. Ah bah, qu'est-ce que t'as veux quoi, hein? Bah oui, c'est vrai que c'est vraiment les hauts de Vosges. Notre ami Frédéric. On le salue aussi. On le salue. Oui, la belle gitane. Hein? S'il nous écoute, il saura pourquoi. Ah oui, je sais. T'es au courant? Je suis au courant, oui. Il a fini en robe hier soir. Fred. D'accord. J'ai entendu parler de ça, oui. Ouais. Piquer une robe à Myriam pour venir faire la danse gitane avec nous sur scène. D'accord, bah, il a voulu faire transformiste, quoi. Voilà. Ça lui allait bien, hein? Bah, oui, il veut se reconvertir, quoi. Voilà, il veut faire des shows. Et voilà. Voilà. Il nous a fait le show hier soir, Fred. Voilà. Donc, on va faire un petit jeu donc, pour tenter de vous faire gagner un album de notre ami E. Je précise, ami E, Clémence. donc, tu veux poser une question? Enfin, ou je pose la question? Je te laisse faire. Tu me laisses faire. Je suis pas très doué hein, là-dedans, hein. Je te préviens tout de suite. Hein. Tu ne feras pas pire que Pierre-Yves hier. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait hier? Il a fait demander mon âge aux gens pour gagner mon album. Ah oui. Mais ça va, les gens ont bien répondu. J'ai eu de la chance. D'accord. Bon, alors, bah tiens, on va poser cette question-là. Donc, vous aurez trois propositions. Il faudra nous dire la bonne parmi ces trois. Donc, quel est le prénom de ton fils? C'est une bonne question. Une bonne question. Alors, voici trois propositions. Et parmi ces trois, il y en aura une de bonne. Alors, est-ce que c'est Armand? C'est très joli, Fred. Ah, c'est joli, hein, Armand. Est-ce que c'est Thierry ou Jules? Allez, tu rigoles? T'as compris? Bien sûr. Ah bon. Tu le fais tous les magasins. Ou Tati? Voilà, donc tu m'en veux pas? Pas du tout. C'est une bonne question. Pas voilà, enfin, parmi ces trois, bon, c'est un peu donné aussi, hein, tu me diras. Hein. Bon, voilà, ça sonne déjà. Mais le pire, c'est que ça si sonne. J'aurais une fille, c'est un nom de magasin aussi. Bah oui. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Armand, Thierry ou Jules? Voilà, vous avez la bonne réponse. Eh bien, vous nous appelez au 03 29 62 40 40, ça sonne déjà. Donc en attendant, on va aller danser. On en était où à la Java? Bah tiens, on va aller danser un petit baillon, ça te dit? Un baillon. Un ch'ti au Brésil. Un ch'ti au Brésil. Hein, un ch'ti au Brésil. Allez, c'est parti, c'est signé Clémence Duchaussois, Jérôme Richard et Pierre-Yves Lombard. Allez, bon, bah, je vais faire le standardiste. Hein. C'est parti pour le baillon. Thank you. Eh bien, c'était Fabrice Lefebvre à l'accordéon, là. Tu connais pas ? Non. Voilà, tu vois, j'ai voulu mettre quelqu'un que tu connaissais, puis finalement, j'ai pas réussi. Mais c'est bien, ça me fait découvrir, voilà, comme ça, tu vois. Au moins, ça te fait découvrir d'autres... Tout à fait. D'autres gens, d'autres accordéonistes. Et l'accordéoniste est... bandonéoniste, il me semble. D'accord. Oui. Mais j'ai jamais rencontré, par contre. Mais moi non plus, et oui. je ne connaissais pas. On s'est eu que par téléphone. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de découvrir... Il est de l'Aisne, il est de la Champagne-Ardenne. D'accord. C'est un champenois, quoi. Voilà. C'est pas le champenois, là, c'est le champenois. Champenois. Voilà. Parce que des fois, c'est, quand t'es enrhumé, tu dis il est peu, beu. Hein. C'est le Père Noël. Je suis à Benoît. Benoît Jabot. Non. Benoît Chapeau. Benoît Chabot, non. Non, on regardait une compile, c'est pour ça, où il y avait Jérôme, justement, il y a 9 ans, bah, il n'a pas changé. Non, voilà. Toujours pareil. C'est vrai. Voilà, donc on vous rappelle le petit jeu. Alors, si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas, puisque le tirage, eh bien, se fera qu'à la fin de l'émission, c'est-à-dire dans quelques heures. Tu comptes me garder la journée? Tu vas être séquestré dans les studios de Radio Guimauzo. Je dois rentrer, je joue demain. Ah mince, bah t'iras pas. Non, je plaisante. Hein. Donc si vous voulez jouer avec nous, eh bien, il faut nous dire tout simplement quel est le prénom de ton fils, donc, que d'ailleurs tu as fait un tango, et c'est tango pour Armand, Thierry ou Jules. C'est pas très compliqué. Hein. Non, c'est pas du tout compliqué. Hein. C'est comme le reggae, c'est pas compliqué. Voilà. Voilà. C'est un titre, ça. Hein. Petit clin d'œil. Voilà. Un petit clin d'œil à Jérôme. Voilà. Ouais. Le reggae musette. Voilà, c'est ça. Qui a toujours un succès en balle. Hein. Oui. Ah oui, il est très demandé. Ah oui, oui. Oui. Bah, comme la fiesta del Mosquito. Comment ? Aussi, voilà. Mosquito. Et puis là, bah, on a le mariachi de Mexico qui est bien demandé. Et... Que tu as enregistré aussi. Que j'ai enregistré, voilà. Ah oui. Bah finalement je sais pas si on va pas passer ça, tiens. Hein ? Ça mettra de l'ambiance. Ah oui, ça c'est bien ça. On va aller faire un tour à Mexico alors. Sous le soleil. Sous le soleil. Que l'on Mexico. A d'ailleurs ici. Oui, il oui. Fait très beau là. Bah, sauf qu'on n'est pas à Mexico là, on est à... Non mais dans les Vosges il fait très beau. On est à Remiremo. À Saint-Étienne, les Remiremo. Donc là c'est le mariachi de Mexico et c'est de qui alors ce morceau ? Jérôme. C'est Jérôme et Pierre-Yves. Jérôme, autrement dit Eric Faure et Pierre Louvain. Voilà. Bon, s'ils écoutent l'émission, ils vont m'en vouloir, non ? Donc, non, oh non. Non. C'était de bonne humeur ce matin au petit-déj. Ah oui, c'est pas comme jeudi matin. Hein. Ah. Ah, c'était après toi. Ah. Ouais, bah, ça arrive, hein, le train qui démarre pas à l'heure. Hein. Ou le réveil qui ne sonne pas. Et qui sonne dans le vide. Voilà. Ils ont l'habitude avec toi aussi. Hein. Oui. Bah. Ça serait pas marrant sinon. Bah oui, bah après. Bah tu nous as mis du piment du coup, je dis maintenant bon, en tournage. Bah comme au Mexique, il y a du piment là-bas. Voilà. Donc c'est parti avec le mariachi de Mexico et n'hésitez pas à nous appeler au 03 29 62 40 40. Ça va, c'est simple le numéro. Hein. Ça va, elle n'est pas compliquée. Tu vas repartir avec ça en tête après. Tu vas dire, allez, j'appelle Cyril, 0329 62 40 40. C'est facile. Comme c'est ça, facile. Je t'appellerai le samedi matin. Ah bah, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Encore faut-il être là. Hein. Voilà. Ou être réveillé. Aussi. En tout cas, merci à vous de nous écouter, de nous supporter, de... D'être avec nous, ça fait plaisir. Donc Clémence Duchaud, soit je vous rappelle, hein, si vous venez de prendre l'antenne, on découvre cet album que l'on devait déjà vous présenter il y a déjà un petit bout de temps, mais dû à un petit problème, un contretemps de Clémence, voilà. Bon, on n'a pas pu faire comme on voulait. Hein. Non, on a dû attendre un petit peu malheureusement. Donc là, j'espère que c'est le bon moment pour vous. Voilà, enfin c'est les vacances hein, aussi, de la Toussaint. Donc. Oui. Voilà. Allez, c'est parti pour le mariachi en fait. Non, le mariachi de Mexico. Mexico. Oui, parce qu'il y a le mariachi en fête aussi. Hein. Voilà. Je crois que c'est le mariachi en fête, c'est avec Jean-Bernard Loubert. Oui, oui. Voilà. C'est qui alors lui ? Un accordéoniste ? C'est un accordéoniste auvergnat. Auvergnat ? Voilà. Ok. Qui joue de l'accordéon, qui joue aussi de la cabrette. Ah oui. D'accord. Allez, donc c'est parti pour les marches. baby, fantastico. Fantastico, hey, hey. Ça va, Clémence? Très bien, toujours oui. En pleine forme. Ah, donc c'était notre ami Frédéric Buche là. Et oui. Et voilà, avec son album Ma belle Lorraine. Voilà. Et chez Paco. Mais oui. Lorraine et Hardy. Ah non, c'est pas ça. Aïe, aïe. Je voulais faire une blague, mais non. Oui, c'est pas Lorraine, en fait. Hein. C'est comment déjà Laurel. Laurel, voilà. Bah. On devrait faire Lorraine et Hardy. Hein ? Ça pourrait être bien. Bah, remarque, on a eu... je sais pas si tu l'as vu, toi, on a eu Jérôme Baudouy. Oui. Au tournage. Ah bah oui, il était avec dans la même émission, oui. Voilà, oui. Qui est très grand. Et Jérôme à côté, oui, oui. C'était rigolo. Ah bah, c'est ça faisait Laurel et Hardy, là, pour le coup. Voilà, voilà, oui, c'est vrai. Voilà. Jérôme Baudouy, bah c'est l'accordéoniste de Patrick Sébastien. De Patrick Sébastien, voilà. Voilà. Quelqu'un d'adorable. Ah oui, très gentil. Alors, chez Paco, pour tout vous dire, c'était composé par Michael Vigneault, Pierre-Yves Lombard, Jérôme Richard, Frédéric Buche et Carmen Dussapin. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Chez Paco, voilà. C'est pareil, ça met de l'ambiance, hein. C'est un peu comme le mariachi. Ah bah bien sûr. Enfin, non, c'est comment que ça s'appelle le... Si, le mariachi de Mexico. Mexico. Oui, voilà. J'ai bien dit, j'étais bien parti. Bah sauf que là, c'était plus espagnol, hein, chez Paco. Bah chez Paco, c'est en Espagne. C'est le bar mythique bah oui. Des séjours en Espagne. Voilà, c'est le point J, quoi. Voilà. Voilà. Voilà, on est perdu, on va chez Paco, hein. Chez Paco. Voilà. Ah bah, si on perd quelqu'un, on va chez Paco. On est sûr de le retrouver. Voilà. donc, bah, c'est bien, ça joue. Hein, vous jouez pour le jeu et on a beaucoup de bonnes réponses. Hein ? Oui. Ah oui. Moi, je peux jouer aussi. Tu l'as déjà. Oui, oui, mince. Et tu connais la réponse. Oui, oui. À force. Ah, c'est dommage. Hein. Je voudrais bien jouer quand même. Allez, je vais appeler. Oui, bah bravo Cyril, oui, c'est bien. Alors, quels sont tes projets alors pour plus tard, quoi. Je veux dire, quels sont... Tu prépares un nouvel album? Eh ben écoute, j'ai appris ça très récemment, que j'allais en repréparer un, oui. Ah bon, d'accord. Voilà, donc on repart sur la préparation de nouveautés, donc des nouveaux titres. Pour 2020, peut-être, là. Pour l'année, là. Pas pour 2019. On rattaque, là, à la rentrée. Ah oui, oui. À la rentrée après les vacances de la Toussaint. De la Toussaint. Ah oui, donc là, c'est... C'était pas forcément... C'est die-day, hein. C'était pas prévu pour tout de suite, et puis... Et puis finalement, bah... Et puis finalement, bah oui, et puis... Donc on va repréparer des nouveaux titres avec plus de chants, plus de... D'accord. Voilà. Eh ben c'est bien. Et pour une sortie d'album... Et tu vas chanter, toi, non? Oui, oui, oui, là pour le coup, oui, un peu plus. Ah oui, donc parce voilà, là, il y en avait deux. Des auditrices là, qui disent que tu devrais chanter, donc voilà. Je chante un petit peu en balle. Ah oui. Et là, sur le CD, c'était mon premier studio, tout simplement. Donc t'as pas chanté, t'as pas voulu... J'avais un petit peu peur, donc j'en ai fait deux. Le CD? Oui, oui, oui. Ah, tu chantes dans lesquels? Il y a le Cowboy joue de l'accordéon, donc à chaque fois c'est en duo avec Jérôme. Ah oui, donc c'est pour ça que c'est un peu... Voilà, il y a le Cowboy joue de l'accordéon et la danse gitane aussi. La danse gitane. Voilà. C'est une cumbia, ça, non? C'est la danse gitane, c'est une danse vraiment... Elle est où, ça? Ambiance, c'est Cédric Després, la danse gitane. Ah oui, oui, oui, voilà. Oui, ok. Donc c'est un style... Gypsy. Voilà. Voilà. Un peu un titre à la Kenji, voilà, qui met pas mal d'ambiance, et c'est super sympa à danser. Et tu chantes dans celle-ci? Voilà. D'accord. Avec Jérôme, et là donc du coup, on va se lancer un peu plus, on va réécrire des paroles, des nouveaux titres, et là, oui, on va rattaquer très vite. Il y a des idées déjà, et on en parlait hier soir, justement. Eh ben c'est bien. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Et puis, bah, énormément de dates prévues aussi, des festivals, des thés dansants, ça n'arrête pas. Et ta prochaine date, donc, c'est demain? C'est demain, voilà. Où alors? À Chantilly. À Chantilly. Pas loin de l'hippodrome. Donc, si vous voulez faire des kilomètres demain... Il y a de la route, hein. Voilà, si vous voulez faire de la route, si vous vous ennuyez, que vous ne savez pas quoi faire, eh bien, allez donc voir Clémence à Chantilly. À Chantilly, au restaurant Le Moment. Voilà. Mais là, c'est la Chantilly, c'est pas la Chantilly à manger, là, hein, c'est la ville. Hein. Bon, des fois, il y en a aussi parce qu'ils font très bien à manger. Parce qu'elle est peut-être née là-bas, la Chantilly. Non? Je sais pas. La Chantilly. Je ne sais pas du tout. Non? Tu sais pas? Non. Bah tu te renseigneras, non? Je demanderai demain. Ouais, tu demanderas, tu m'en rediras. Hein. Mais au fait, la chantilly, elle est faite ici. Voilà, comme à Dijon, la moutarde. Elle est vraiment faite là. Ah bah tiens, on va aller danser une petite bourrée. C'est la bourrée des Hauts-de-France. Voilà, donc une bourrée où Nathalie Bernat, donc une collègue accordéoniste, oui, m'accompagne sur ce titre à la cabrette, donc un instrument typique auvergnat. À la cabrette. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est parti avec Nathalie Bernat à la cabrette. À la cabrette. Et voilà. Toi à l'accordéon. Tout à fait. Et les sabots. Non, peut-être. Non, il n'y a pas de sabots. Non, on n'avait pas mis les sabots. Ah mince. Donc c'est de toi, cette bourrée. Voilà, Sébastien Perrin et Jérôme Richard. Voilà, les trois mousquetaires. Bah tiens, si tu veux, on mettra une bourrée de Nathalie après. Bien sûr. Voilà. C'est sa spécialité, hein. Bah oui, elle est de là-bas. Le folklore auvergnat, c'est la reine pour ça, Nathalie. Bah oui. C'est comme... Y a qui d'autre par là-haut? Bah, il y avait malheureusement qui nous a quittés. On va faire un petit clin d'œil aussi à notre ami... Christian Péchel, voilà, qui nous a quittés. Voilà, Christian Péchel, 70 ans seulement. Très voilà. Jeune. Bah oui. Et beaucoup de talent, un très grand monsieur. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais on pourrait, oui, lui faire un clin d'œil. Voilà, lui dédier cette série de bourrées. Voilà. Tout simplement. Bah oui. C'est vrai que j'ai rencontré une ou deux fois. J'ai pas eu la chance, malheureusement. T'as pas eu la chance, toi? Ouais, non. Ah mince. Bah moi, j'ai vu pour la première fois, justement, un, deux, trois musettes. Oui, il avait fait les émissions il y a quelques temps. Ouais. Il y a peut-être 6-7 ans, oui, 6 ans. Oui. Il m'avait montré comment faire un beau nœud de cravate. Eh ben tu vois. Parce que, tu sais, il était toujours bien zappé. Oui, hein, oui. La classe, quoi. Ah oui, un monsieur avec une très grande classe et une grande élégance. Voilà, très élégant. Voilà. Bah tiens, lui dédie cette... série de bourrées, en même temps, bah, c'est pour les Alsaciens et les Vosgiens, et c'est de la part de Marie, de Marie-André et de Maurice, qui nous écoutent. Et on leur fait un coucou. Voilà, on leur fait un coucou, ils nous ont appelés, et donc ils ont demandé une série de bourrées. Bah voilà, c'est la série de bourrées pour vous, pour les Vosgiens, les Vosgiennes, les Alsaciens, les Alsaciennes. Voilà. Pour faire un petit tour en Auvergne. Allez, c'est parti. À toi, Clémence. On compte sur toi. Petit voyage en Auvergne. En Auvergne. êtes jolie, c'est vous mon bonheur, fille du pays, parfum de l'amour qui dure toujours, mais moi je préfère le parfum des bruyères. Bruyères en fleurs, vous êtes jolie, c'est vous mon bonheur, fille du pays, parfum de l'amour qui dure toujours, mais moi je préfère le parfum des bruyères. Eh bien, merci Nathalie. C'était Nathalie, notre guide. Hein ? Notre guide Nathalie. Sur les ondes de Radio Guémozo, il est midi pile en plus, t'as vu ? Midi pile. Alors, pile. Bon appétit à vous, hein, si vous êtes à table ou alors à l'apéro. Eh bien, santé. Hein ? Santé des pieds. Non, ça va pas. Donc, nous sommes en compagnie de Clémence Duchaussois, chef d'orchestre, compositrice. Autrice, professeur, encore pas. Non. Interprète. Voilà. Non, professeur, bon, juste pour les petits et puis. Elle est grande, non ? Non. Donc là, vous avez pu apprécier quand même cette bourrée Parfum des Bruyères de Mathieu Martini au chant, là, et Nathalie Bernat à l'accordéon. Et c'était de Nathalie Bernat aussi cette bourrée. De Nathalie Bernat et Mathieu Martini. Allez. Un petit verre de Martini. Mais c'est l'heure de l'apéro, hein. Ben oui, voilà, c'est pour ça. Tout tombe à pic. Comme l'homme qui tombe à pic. Hein. Et extrait de cet album Étoile Occitane. Tu l'as cet album de Nathalie ? Non ? Oui. Oui, il est bien. Hein. Elle fait des très belles choses, Nathalie. Ah oui, c'est vrai qu'elle est très forte. Surtout dans les bourrées. Enfin, un peu dans tout, mais... Elle est spécialiste dans le folklore et c'est vrai que ça lui va très très bien. Oui, ah oui. Et donc, elle a... Enfin oui, elle a la gueule de l'emploi, quoi. Hein ? Ah oui, non, mais elle est... voilà. Ben, on a déjà eu un petit insert téléphonique avec Nathalie Bernat, justement. Parce que... Toi bien, entre collègues. Hein. Ben, bien sûr. Voilà. On s'entraide. Donc, après les bourrées, eh bien, voici une autre dédicace. Alors là, c'est de la part... c'est toujours Marie-André et Maurice. Hein. Donc, ils ont demandé un morceau, très joli morceau, donc, qui a été immortalisé par Nana Mouskouri. Tu connais ? Mouskouri ? Mouskou ? Elle est de Moscou, je crois. et c'est pour Alice et Victor. Alors, Alice et Victor, ce sont les parents de Marie-André Pierra, qui nous écoutent. Et Rose Blanche de Corfou. Voici donc ce morceau. C'est un slow, c'est de la tendresse, hein, je crois. Oui, un très joli morceau. Très joli slow. Et après, bien, ça sera toi avec un autre slow, Séduction Mélodie. Hein ? Oui. Que tu as enregistré. Que j'ai enregistré, mais que je n'ai pas signé. Que tu n'as pas signé, non ? C'est de Jérôme. Bah oui, c'est de Jérôme et Pierre Louvain. Voilà. Pierre Loulou. Donc c'est parti, on se serre, on se blottit l'un contre l'autre et on va danser le slow, les roses blanches de Corfou. Allez, Nana Mouskouri, dans Musette Party. marche de beau. Sous-titrage. Et on n'oublie pas le gros bisou dans le cou de sa cavalière. Entre le nez et la bouche aussi, si possible. Des fois, je le dis, mais bon, ils rigolent les gens parce que c'est pas facile. Entre le nez et la bouche. Moi, je leur dis, s'ils font pas de bisous à leur cavalière, je les menace de les punir à la fin du bal. Ah oui, carrément. Ouais. Wow. Tournée générale. Ah ouais, d'accord. Mais je le fais pas. Ouais. Oui, parce que t'es une fille bien élevée. Voilà. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, on n'en doute pas, hein. Ça s'entend. Hein. Tu me connais assez pour le dire. Bah oui. Bon, merci Clémence pour cette interprétation que tu as faite à merveille. Voilà. C'est gentil, merci. Voilà. Bel album en tout cas que l'on présente aujourd'hui. Je sais pas si on aura le temps de tout passer parce que on a déjà passé pas mal de morceaux. Hein. Oui. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ensuite, on va passer après le slow à quoi ? Il n'y a pas eu quoi ? Bah de tarentelle, non ? La tarentelle ? Il n'y a pas eu la tarentelle, et moi j'allais te proposer tout simplement parce qu'il est l'heure de l'apéro. Ah ! Ah bah oui, il est l'heure de l'apéro, donc l'apéro. Tout simplement. Ah bah oui, tout simplement, bah oui. Ah bah oui, tu l'as enregistré. Voilà. Alors, donc c'est l'apéro, c'est le titre. Et au chant, on retrouve Jérôme Richard sur ce titre-là. Et toi, non ? Non, non. Non. Jérôme, simplement. Bon, d'accord. Alors, bah, c'est de Jérôme, de Pierre Louvain, Emmanuel Blanchet et de... C'est qui, Caminade ? Mickaël Vigneault. Ah ! Caminade ? je suis mélangé, moi. Eh ben, écoute. D'accord, c'est pour tromper l'ennemi, quoi. Ouais. D'accord. C'est Mickaël Vigneault, alors. Qui a fait se cache derrière. C'est lui qui a fait l'orchestration. Ah, d'accord. Je le comprends mieux. Puis pour l'apéro aussi. Hein, et pour l'apéro. Hein. Il n'est pas le dernier, je pense. Hein. Il serait même dans les premiers. Dans les premiers. Hein. On lui fait un coucou aussi à oui. Mickaël. Oui. Bah hier, apparemment, c'était pas une soirée raclette, non, chez lui ? Si, si, il nous a mis des petites photos. Voilà. Ben, également un très bon accordoniste. Hein. Oui, ben là, qui est en pleine préparation pour l'Olympia. Pour l'Olympia. Voilà. Carrément. C'est la première partie du collectif Métissé, puisqu'il a rejoint le groupe il n'y a pas très longtemps. Oui. Et donc, jeudi 31 octobre, il est à l'Olympia. Ah, bah, c'est bientôt alors. Voilà, donc il est en pleine préparation. Ah, bah oui, donc un peu de stress. Moi, je pense, oui. Oui, c'est la première fois. Je ne sais pas si c'est sa première fois. Oui. Je ne sais pas, mais oui, là, c'est jeudi. Bah, c'est bien, c'est énorme. Très bien. Donc, c'est parti pour l'apéro. Alors, on y va. Tous à l'apéro. Hein. On y va. On est bien fatigué, on rentre à la maison, oui pour se reposer. On invite ses amis, on invite ses voisins, juste avant de dîner, dans son petit jardin. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro, on l'a bien mérité. C'est l'heure de l'apéro, oh, oh, oh. C'est l'heure de l'apéro, on l'a bien mérité. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro, on l'a bien mérité. C'est l'heure de l'apéro, oh eh oh. C'est l'heure de l'apéro, on l'a bien mérité. C'est l'heure de l'apéro, oh eh oh. Il n'est jamais trop tôt pour prendre l'apéro. Il n'est jamais trop tard pour boire un bon Ricard. Sortez les cacahuètes, les chips, le saucisson, et chantez à tue-tête cette petite chanson. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro, on l'a bien mérité, c'est l'heure de l'apéro, oh eh oh, c'est l'heure de l'apéro, on l'a bien mérité, c'est l'heure de l'apéro, oh eh oh, c'est l'heure de l'apéro, on l'a bien mérité, c'est l'heure de l'apéro, oh eh oh, c'est l'heure de l'apéro, on l'a bien mérité, c'est l'heure de l'apéro. de l'apéro, on l'a bien mérité, c'est l'heure de l'apéro. Oh, eh, oh. C'est l'heure de l'apéro, on l'a bien mérité, c'est l'heure de l'apéro. Oh, eh, oh. C'est l'heure de l'apéro, on l'a bien mérité, c'est l'heure de l'apéro. Oh, eh, oh. La la la la la la la la la la la la la la la la la la oh, eh, oh. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Et ben voilà pour les marches, temps de revenir en place hein, parce qu'on était en train de danser dans le studio, alors c'est pour ça, hein, c'est du sport hein, quand même les marches. Hein. Quelle ambiance. On court. Hein. On s'ennuie pas. Non, on s'ennuie pas. Donc c'était là, je sais pas si tu as reconnu, Diwar, qui c'était pour voir, c'est un quiz musical. Hein. Alors là, tu me poses une colle. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Il est du Nord. Cédric Desprez. Bien, bravo. Bravo, bah t'as gagné. T'as gagné sur CD. Non, tu l'as peut-être déjà celui-là. Celui-ci non. 30 ans d'accordéon. Ouais, c'est celui qu'il avait fait pour son anniversaire. Ouais, ouais voilà. 14 titres et très avec bel album. Avec son perroquet sur l'épaule. Oui, ouais, c'est rigolo. Hein. Il y a même la chanson, la valse à Wally. C'est pas Wally Gator, hein, là. Hein. Même s'il a raison, hein. Wally a tort. Wally a tort. C'est recherché, hein. On est en forme hein, ce matin. Donc là, c'était Le Soleil Bavarois de Damien Poyard, Pierre-Yves Lombard et Cédric Desprez. Voilà. Voilà, ce sont les trois heureux compositeurs de cette marche. Sous le soleil vosgien, d'ailleurs. Oui, il fait beau, hein. Ah oui, on a de la chance, hein. T'as vu ça, les étoiles ? Donc on découvre ton album en même temps, hein, le Bal de Clémence. Mais là, donc, voici une dédicace. Par contre, là, tu ne l'as pas enregistrée, c'est dommage. C'est Reine de Musette. Alors, je ne l'ai pas enregistrée, mais je la joue à chaque balle. Oui. Donc, c'est une valse que j'aime beaucoup. Très jolie valse. Hein. Attends, les compositeurs. C'est de qui? Perronin, c'est ça? Je ne sais plus. Jean Perronin, je crois. Je ne sais plus. Voilà, très jolie valse, musette. Hein. Oui. Il n'y a pas plus musette. Ah non, là, c'est vraiment le... Enfin, si, il y a accordéon musette aussi. Elle est bien aussi, celle-là. Elle est bien aussi, et j'aime beaucoup aussi Indifférence. Et Indifférence, oui. Oui, c'est vrai. Mais je ne la joue pas, celle-là. Tu la joues, toi? Oui. Ah oui, non, pas moi. C'est trop dur. Ah non, bah là, c'est pas le même niveau, et attends. J'ai pas ton niveau, hein. Donc, Reine de Musette, eh bien, on va l'écouter par une accordéoniste qui nous a malheureusement quitté, c'est Yvette Horner. La grande reine. Bah oui, la reine de l'accordéon, quoi. Parce que c'est extrait de cette compilation, La Reine et la Princesse de l'accordéon. Alexandra Paris et Yvette Horner. Mais là, donc, c'est Reine de Musette avec Yvette Horner qui nous a quittés, je ne sais plus, c'était pas cette année. Hein. Si ? Non. L'année dernière. Ça fera 2 ans mois ça de mai. Ça fera 2 ans. 2 ans mois de mai prochain qu'elle nous a quittés. Ah oui ? Ah bon, ça passe vite. Ça passe vite. D'accord. Bon, enfin, c'était une grande dame de l'accordéon. Hein. Oui. Elle a fait le Tour de France. Elle a fait des choses mythiques. Oui. Comme beaucoup de grands noms, hein, comme ça, hein, comme Aimable, André Verschuren, voilà. Les grands de l'époque. Bah oui, c'est vrai. Bon après, à savoir si on fera autant de choses qu'eux. Je ne sais pas, je ne pense pas. Oui. Je ne pense pas, parce que pour arriver à ce qu'eux ont fait, c'est vraiment... Oui. On n'est plus dans la même époque non plus. Voilà, c'est pas la même époque, c'est ça le problème. Voilà, mais bon, on compte sur vous pour... Mais sur toi aussi. Voilà. D'accord. On compte sur les auditrices, les auditeurs, les hein, aussi, parce que c'est grâce à eux aussi. Mais c'est grâce, voilà. Grâce au public. À nos fans, au public et aux danseurs. Bah c'est ça. Que l'accordéon continue et j'espère continuera encore longtemps. Bah oui. Alors merci à vous. Merci également à toi. Voilà, donc Reine de Musette. Alors c'est de la part de Marie-André. Pierra, et c'est pour Maurice, là. Voilà. Et on va mettre une autre valse, après, ça sera les Roses Blanches. Là, la valse... On en parlait tout à l'heure. C'est pas de Corfou, là, c'est Roses Blanches. Les Roses Blanches. Une valse. Hein. C'est pour Radio Guimauzo, là. Par contre, c'est pour toute l'équipe de Radio Guimauzo, et c'est aussi de la part de Marie. André. Une fan, hein. Il y a des fans, hein. Une fidèle, je crois. Une fidèle, très fidèle. Donc, si vous voulez jouer encore pour le jeu, sachez qu'il est encore temps concernant le CD en jeu de Clémence à gagner. S'il vous plaît. Et si possible, avec une dédicace. Mais bien sûr, avec plaisir. Voilà. J'ai encore le crayon. Et il y aura même un petit peu de parfum de Clémence, si vous voulez. Il est dans la valise, dans la voiture, le parfum. Eh ben voilà, donc on pourra en mettre, hein, si, hein, une petite touche de parfum. C'est quelle marque? Armand, Thierry ou Jules? Et non. Voilà. Donc enfin, c'est la question, hein, pour tenter de vous faire gagner ce CD. Alors, est-ce que son fils s'appelle Armand, Thierry ou Jules ? J'aime bien, moi. J'aime bien la question, là. C'est rigolo. C'est joli aussi, hein, comme prénom, ces trois prénoms-là. Bien sûr. Allez, donc on vous attend. Quel est le prénom du fils de Clémence? Donc, est-ce que c'est Armand, Thierry ou Jules? Et si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous serez peut-être tiré au sort à la fin de l'émission et vous remporterez cet album. Voilà. Le Bal de Clémence. Dans Musette Partie. Allez, dépêchez-vous, hein, parce que c'est bientôt la fin.

un matin d'avril, parmi les promeneurs, n'ayant plus un sou dans sa poche, sur un marché, le pauvre mioche furtivement vola des fleurs. La marchande l'ayant surpris, en baissant la tête, il lui dit: c'est aujourd'hui dimanche et j'allais voir maman. J'ai pris ses roses blanches, elle les aime tant. Sur son petit lit blanc, là-bas elle m'attend. J'ai pris ses roses blanches. Marchand ému, doucement lui dit: emporte-les, je te les donne. Elle l'embrassa et l'enfant partit, tout rayonnant, qu'on lui pardonne. Puis vers l'hôpital, il va en courant pour offrir les fleurs à sa mère. Mais le voyant, une infirmière lui dit: tu n'as plus de maman. Et le gamin, s'agenouillant, dit près du petit lit blanc: c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches. Toi qui les aimais tant, et quand tu t'en iras au grand jardin là-bas, toutes ces roses blanches, tu les emporteras. Ces roses blanches, tu les emporteras. Et voilà, c'était les roses blanches. Quelle avec jolie valse. Ouais, très jolie valse, hein. Très enfin, émouvante. Un peu, oui, émouvante, c'est ça, c'est un peu le cafard. Hein. Ah oui. Mais bon, c'est joli. Mais c'est joli. Voilà. C'est mignon. Voilà. Donc c'était Arlette au chant et Bernard Marly à l'accordéon et au clavier Hubert Ledan. Avec cet album qui s'appelle Les Incontournables de la chanson française, je pense, hein, ça doit être ça. Oui, c'est ça. J'ai eu chaud. Hein. Faut deviner des fois. Hein. En tout cas, vous êtes bien, vous êtes parti sur Radio Guémozo 107.0 sur Résonance FM. Je vais y arriver, c'est la fin de l'émission. Hein. Résonance FM 88.1, on est en direct en plus. Hein. Et sur Fréquence Amitié à Vesoul sur le 91.3. Enfin, ça vaut pas quand même une fois dans 1, 2, 3 musettes. Bonjour Cyril. Je m'en rappellerai toujours, j'étais là. Hein? J'étais là. Ah oui, t'étais là. C'est mémorable. Bah oui, oui, bah c'était là au mois de juin, hein, je crois. Hein. Et c'était là au mois de juin, et j'ai d'ailleurs une photo du fou rire, moi. Ah. J'ai la photo, faudra que je te l'envoie d'ailleurs. Ah oui, oui, je veux bien, oui. J'étais là et. Ah, c'est sorti naturellement, quoi. Bah oui, je sais pas pourquoi ça m'est sorti comme ça. Mais il y a que toi pour bonjour faire ça Pierre-Yves, sur les plateaux. Bonjour Jérôme et bonjour Cyril, bah c'est moi. Bonjour Cyril. J'ai pas fait exprès, c'est ça le pire, hein. C'est sorti tout seul. On avait bien rigolé. Ah bah oui, oui. De toute façon, à chaque fois, hein, à chaque fois, tu nous fais rire. Ah oui, bah oui, c'est bah oui. Un petit peu d'humour, quoi. Encore jeudi. Un peu moins, là, non. Oh si, quand ah, même. Bon, oui, quand même. Oui, je suis presque arrivé en slip sur le plateau, quoi. Hein. je plaisante. Hein. Enfin, quoique, c'est un slip. Hein. C'est assez fallu de peu, quand même. Hein. T'as tout juste eu le temps de te changer. Hein. Bah oui, oui, juste. Hein. Mais bon, hein, c'est comme ça. Hein. Ça met de l'ambiance. Oui, tu ça met de l'ambiance. Oui. C'est bien. Bah, il faut bien, on essaye. Hein. On remarque, c'est à chaque fois. Hein. Oui. C'est tellement des bons moments. Bah oui. Bah, il y a pire, hein, je pense, non ? Il y a pire que moi. Oh, t'es dans le classement quand même. Hein. Ah, je suis pas en tête. Je suis pas dans les premiers quand même. Ah, si, je pense. Ah bon ? Ah ben, on demandera à Christelle tout à l'heure. D'accord. C'est dommage qu'elle soit pas venue. Hein. Oui, c'est dommage. Mm. Elle vous donne le bonjour en tout cas. Mais elle prépare un nouveau CD aussi, alors c'est pour ça. Hein. Elle est un peu. Ah ben oui. Un peu pressée de la voir. Elle a dû rentrer un petit peu tard aussi hier. Oui, oui, oui. On c'est a vrai. Profité. On se voit pas souvent. Oui. C'est vrai. Donc, après ça, on va faire quoi ? On va danser la tarentelle et puis après, on fera l'agenda parce qu'il y a l'agenda aussi. C'est les rendez-vous voilà, de la danse. Rendez-vous. Voilà. Pour savoir où danser, on fera le tirage au sort aussi, à la fin. Donc, après l'agenda. Alors, donc là, on va danser la tarentelle, comme il n'y en a pas eu. Et j'aime bien la tarentelle. Et en plus de ça, c'est toi qui l'as composée avec Jérôme. C'est ça. Retour de Palermo. Ah. Palermo, ça se boit ça, non ? Il n'y a pas d'alcool. Ah ouais ? Oui, mais la fête c'est bon. Plus folle. Oui, tout à fait. Oui. Pour un petit Palermo. Hein, c'est ça la pub, non ? Je crois. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. C'est une bonne mémoire. Alors, c'est parti, on va aller du côté de Palerme. Alors, pour un petit Palermo. Retour de Palerme, mot. Et l'autre tarentelle, bah on va mettre qui ? On va mettre qui ? Alexis Balandier, ça te dit ? Allez. Non ? Si, allez, bien Alexis. Sûr. Bah si, il est gentil aussi, Alexis. Bien sûr. C'est l'enfant du pays, en plus. Il est d'ici. Hein. Et en plus de ça, il vous fera danser à Cornimont le samedi 9 novembre, si mes souvenirs sont bons, à partir de 14h30 pour un thé dansant. Enfin, je vous leur dirai tout à l'heure, si on a plus de précision. Mais de tête, comme ça, si. Des fois, on a une tête. Donc, Alexine nous interprétera une tarentelle. Donc, extrait de cet album Balentier dans les Vosges. C'est recherché hein, aussi. Hein. Oui. On aime bien les jeux de mots ici dans les Vosges. Hein. Je vois ça. T'as remarqué ? Oui. Donc Alexis nous amènera en Italie avec cette tarentelle qui s'appelle. Je vous le dis tout de suite, on danse, c'est parti, voilà, c'est le titre. Allez, c'est parti pour les tarentelles et rendez-vous juste après pour l'agenda. Donc si vous voulez encore jouer pour le petit jeu, vous pouvez au 03 29 62 40 40. Je récupère pas depuis le début. 03 29 62 40 40. Donc, il faut trouver le prénom du fils de notre invité du jour, donc Clémence. Est-ce que c'est Armand, Thierry ou Jules ? attention. On s'y retrouve en cadence sur les parquets des guinguettes pour s'y revoir chanter et danser. Les rendez-vous de la danse dans une super ambiance. Les accordéons bon musette ne peuvent s'en passer l'hiver, l'été. Eh bien, où danser dans les Vosges? Eh bien, vous pourrez danser dans les Vosges, notamment à Mousset, au Jacquard, à côté de Senon. Demain, dimanche 27 octobre, à partir de 14h30 jusqu'à 19h, avec notre ami Martial Villemain, que tu connais. Eh oui. Voilà. Eh bien, il vous fera danser là-bas, à Mousset, au Jacquard. C'est la spécialité de la tarte flambée, en plus, là-bas. Tu aimes bien la tarte flambée? C'est alsacien, la flamencuche. Ben, je suis pas trop, non. Non, pas trop. Pas trop tout ça, moi. C'est à cause des oignons, peut-être, non? À cause des oignons? Non, pas spécialement, non, mais ouais. Un peu trop lourd. Oh, ça passe bien. Ouais, enfin, après, il faut aimer, quoi. C'est comme tout. Hein. Voilà. Alors, donc, si vous voulez plus d'infos concernant ce thé dansant, eh bien, un numéro, c'est le 0608 24 12 88. Je répète, 0608 24 12 88. Les rendez-vous de la danse dans une super ambiance. Les accords du bon musette ne peuvent s'en passer l'hiver, l'été. L'hiver, l'été. L'hiver, l'été. L'hiver, l'été. Et autrement, eh bien, vous danserez également dans les Vosges avec notre ami Alexis Ballandier, comme on vous le disait tout à l'heure, à Cornimont. Donc, ça sera, pour plus de précision, voici plus de précision, ça sera au centre de polyactivité. L'entrée, eh bien, 10 euros. Ça va, hein? C'est raisonnable. Hein. C'est, ouais, voilà. Voilà, à partir de 14h30, j'imagine jusqu'à 19h. Alors, c'est organisé par Atoudance Club 88. Atoudance Club 88. Voilà. Donc, le numéro, c'est 03 29 24 12 62. Je répète, 03 29 24. J'ai dit quoi tout à l'heure? Non, c'est pas un 12, c'est 19 62. Alors, je répète, 03 29 24 19 62. Je répète, 03 29 24 19 62. C'est mes yeux, ils ont louché. Donc ça, c'est pour le samedi 9 novembre. Alors dépêchez-vous de vous inscrire, de réserver vos places. Alors toujours dans les Vosges, eh bien, vous pourrez également danser. Du côté des variétés au Tio. Eh bien, vous y danserez demain, de 14h30 à 19h, avec Olivier Boulard. Tu connais Olivier Boulard? Je ne l'ai pas encore rencontré. Voilà, donc ça sera Olivier Boulard du côté du Tio. Aux variétés. Et le week-end prochain, le 3 novembre, eh bien, ça sera animé par Alexis Ballandier. Rendez-vous de la danse. Alors, le numéro des variétés, pour plus d'infos, c'est le 03 29 25 01 01. Je répète, 03 29 25 01 01. Ne peuvent s'en passer l'hiver, l'été. L'hiver, l'été. L'hiver, l'été. Toujours dans les Vosges, à Épinal, eh bien, il y a la maison Léonard. Eh bien, vous pourrez y danser et même vous y resterez dès midi. Demain, dimanche 27 octobre, dès midi pour le repas, dès 14h pour le thé dansant, jusqu'à 19h. Et ça sera animé par l'orchestre Benoît Prisbilla. que tu connais également. Voilà, que j'ai vu hier. Voilà, que tu as vu récemment. Donc c'est au centre des congrès. Le numéro de la maison Léonard, c'est le 03 29 34 31 65, je répète, 03 29 34 31 65. Changer de région du côté de la Champagne-Ardenne, notamment en Haute-Marne. Eh bien, on y danse également en Haute-Marne, au Foulon. Eh bien, au Foulon, demain, vous y danserez de 15h à 20h avec Florent Goris de 15h à 20h. Je l'ai dit, hein, ça déjà. Hein ? Oui. Et ce mercredi, eh bien, il n'y aura pas de thé dansant. Pour information, parce que si vous avez l'habitude d'y aller tous les mercredis, eh bien, ce mercredi 30 octobre, il n'y aura pas de thé dansant, comme c'est les vacances. Hein. Mais en revanche, eh bien, vous pourrez y danser vendredi 1er novembre. À partir de 20h30 jusqu'à 1h30 du matin, ce sera le bal des rencontres avec Tony Fontaine. Ambiance, les accords pour musette. Et le dimanche 3 novembre, eh bien, vous y danserez avec Romain Dupuis de 15h à 20h. Au Foulon, hein, toujours, à Bourbonne-les-Bains. Et n'oubliez pas également le Beaujolais nouveau qui va arriver d'ici peu. Hein, c'est le 21 novembre, le jour de l'anniversaire de certaines personnes. Parce qu'il y en a qui sont nés le 21 novembre. Hein. Et oui. Et oui. Le jour du Beaujolais nouveau. Eh bien, dès midi, vous pourrez vous y restaurer. Ce sera un grand buffet froid, campagnard, avec de la cochenaille, des salades à volonté. Et bien entendu, le Beaujolais, le jour-là. Donc, si vous voulez réserver, pensez dès maintenant à réserver votre table au 03 25 90 02 57. Je répète, 03 25 90 02 57, et ce sera à l'accordéon. C'est Will Bueno. L'antillais, Cyril Bueno. Guadeloupéen. T'as besoin de vacances. Guadeloupe. T'as envie de vacances. Oui, voilà. Ça se voit. Bon, toujours dans la Haute-Marne. Eh bien, il y a la niche à Don Marien entre Langres et Dijon. Alors, vous pourrez danser demain de 15h à 20h avec l'orchestre Amalgame. À la niche, hein. Au chien à plumes. Oui, ça s'appelle comme ça, hein. La niche. C'est rigolo, hein. Comme ça, tout le monde a la niche. Voilà. Allez, hop. Donc, l'orchestre Amalgame avec Christelle Arrault à l'accordéon. Et le 3 novembre, eh bien, ce sera Jean-François Besson qui vous fera danser du côté de la niche à Don Marien. Le numéro pour réserver, c'est le 06 79 24 36 39. Je répète, 06 79. C'est belge. 79. Voilà. 24 36 39. Une super ambiance, les accords pour musette ne peuvent s'en passer l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été. Toujours en Haute-Marne, eh bien, il y a également la loco à Langres. Donc vous y danserez demain de 14h30 à 19h30 avec Jean-François Besson. C'est en face de la gare en plus, hein, la loco. Ça motive, hein. Alors, les numéros, eh bien, il y en a deux. C'est le 03 25 87 49 91. Je répète, 03 25 87 49 91. Ou alors 06 71 79 31 27. Je répète, 06 71 79 31 27. Voilà, c'est les numéros de la loco à Langres avec Jean-François Besson demain et à Saint-Dizier. Eh bien, vous pourrez danser du côté de la marina de 15h à 20h. Et ça sera animé par Cyril Renaud. Je connais pas. Hein. Connu au bataillon. Hein. Donc ça, c'est pour demain, dimanche 27 octobre. Le numéro de la marina, 03 25 06 48 92. Je répète, 03 25 06 48 92. Du côté de l'Aube, à côté de Troyes, on se rapproche de la Somme, là. Oui. Hein ? Eh bien, on y danse tous les mardis à la salle des fêtes de Rouilly-Saint-Loup. Et ce mardi 29 octobre, eh bien oui, ce sera le 29 déjà, hein, mardi. Déjà. De 14h à 19h, eh bien, vous y danserez avec Tony Calves. Rendez-vous. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas non. Du tout. Très bon accordéoniste aussi. Hein. Donc, ce sera à Rouilly-Saint-Loup, à la salle des fêtes. Hein. Et ce vendredi 1er novembre, eh bien, ce même organisateur fera un thé dansant donc à Sainte-Maure. Là, c'est dans l'Aube. Donc, ce sera au domaine de Vermoise, à Sainte-Maure, et ce sera animé par Jean-Baptiste Vaz de 14h. À 19h. Le mardi 5 novembre, bien, vous pourrez danser à la salle des fêtes de Rouilly-Saint-Loup avec Mathieu Zenz. Il n'est pas très loin de chez moi, Mathieu. Tu le connais ? Bien sûr. Ah bon ? Bien sûr, on est un petit peu sur le même secteur et oui. On a fait un festival ensemble là, au mois de septembre avec Mathieu. Il est tout jeune ? Oui, il est tout jeune, il a 18 ans, je crois. Ah, 18 ans ! Et toutes ses dents ? Et très grand. Ah oui, il est très grand, il paraît. Il est très grand. Ouais. Un peu comme Jérôme Bauduit. Un petit peu moins quand même, mais un petit peu il moins. Est bien grand. Hein. Mmh. Oui, c'est un jeune espoir. C'est vrai qu'on a eu son CD là dernièrement. Et, oui, et il se débrouille très très bien. Très très bien et très gentil. Oui, d'accord. On ne s'est pas rencontrés encore. Hein. Enfin, si vous voulez réserver vos places eh bien, pour Rouilly-Saint-Loup ou pour le domaine de Vermoise dans l'Aube... Eh bien, voici un numéro, c'est le 06 07 67 32 11. Je répète, 06 07 67 32 11. Dans Lyon, eh bien, il y a la guinguette auxerroise. Je ne sais pas si tu connais, non ? De nom. Eh bien, vous pourrez danser demain, dimanche 27 octobre, avec Benoît Chabot. De 14h30 à 19h30. Et le dimanche 3 novembre, eh bien, ce sera animé par Catherine et Yves Busato. Alors, c'est à Auxerre. Le numéro de téléphone de cette guinguette, eh bien, c'est le 03 86 34 82 69. Je répète, j'ai du mal avec les numéros. Hein. 03 86 34 82 69. Il y en a tellement de numéros. Hein. Entre le numéro de sécurité sociale... Le rendez-vous de la danse dans une super ambiance. Les accords du pont musette ne peuvent s'en passer l'hiver, l'été. Et n'oubliez pas également donc ce thé dansant qui aura lieu du côté de Joinville, animé par le duo Christelle Jean-Blanc et Cyril Renaud. Donc à Joinville de 15h à 20h le dimanche 3 novembre. Et c'est au profit de la Ligue contre le cancer, donc le 3 novembre à Joinville. À la salle des fêtes. Donc le numéro, eh bien, c'est le 06 15 88, j'ai bien dit 88, 8, 18, 32. Je répète, 06 15 88, 18, 32. Et enfin, du côté de la Franche-Comté, chez les Franc-Comtois, on y danse, notamment en Haute-Saône. Je sais pas si tu connais la Haute-Saône, pas trop. Pas trop, non. Non. Tu t'arrêtes aux Vosges. Hein. Oh, les Vosges, je suis en Vendée aussi en novembre. Ah, tu vas en Vendée? Oui. Ah, alors, dis-nous. À Luçon, le 11 novembre. Le 11 novembre, à... À Luçon. Luçon. 85, pour un festival avec Mickaël et Jérôme Richard. Ah bah voilà. Eh ben voilà, rendez-vous très original, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude d'annoncer l'été dansant en Vendée. Voilà, voilà. J'imagine. Ou tout comme demain, du côté de la Somme, ouais, avec toi. Dans l'Oise. Dans l'Oise. Dans l'Oise demain, oui. Voilà, à Chantilly. À Chantilly. À la salle des fêtes. Non, au restaurant Le Moment. Ah bah voilà, au restaurant Le... Le Moment. Le Moment. Voilà. Donc c'est le moment d'y aller. Tout simplement. Autrement, je disais, oui, en Haute-Saône, eh bien, vous pourrez danser en Haute-Saône. Donc, demain, dimanche 27 octobre, du côté de Velles-le-Châtel. C'est à côté de Vesoul. Si tu connais pas Vesoul... Je suis jamais allé. Non. T'as voulu voir Vesoul, et on n'a pas vu Vesoul. Et on a pas vu Vesoul. Voilà, on a vu Vierzon. Eh bien, à Velles-le-Châtel, à la Guinguette des Chavannes, vous pourrez y danser demain avec Daniel Bonnefoy et Jojo. De 14h30 à 19h30, donc à la Guinguette des Chavannes, chez Francis et Marie-Ange. On les salue d'ailleurs au passage. Hein. Le numéro de téléphone, eh bien, pour plus d'infos, c'est le... Eh bien, c'est le 06... 33 55 47 60, je répète, 06 33 55 47 60. Toujours en Haute-Saône, il y a également à PEM, à la salle des fêtes, eh bien, un thé dansant demain qui aura lieu avec Christelle Jeanblanc, accordéoniste. Chef d'orchestre, compositrice, interprète. Elle sait tout faire, Christelle. Ah oui, elle fait à manger, elle fait tout. Elle fait leur passage. Mais bon, musicalement parlant, elle vous fera danser demain à PEM, la salle des... la maison pour tous, voilà. C'est place des promenades, demain à PEM. Ce qui vaut la peine de se déplacer. Et ce sera de 14h30 à 19h, organisé par les amis du Balajo. Pour plus d'infos, un numéro, 06 87 79 67 37, je répète, 06 87 79 67 37. Autrement, eh bien, où danser en Haute-Saône? Vous pourrez danser aussi en Haute-Saône. Oui, on continue en Haute-Saône, hein. On y est. Le 31 octobre, allez. C'est le dernier, hein, en Haute-Saône. Hein. Le 31 octobre, je vais y arriver. C'est l'émotion, ça. Hein. Donc, les amis du Balajo organisent également à la salle des fêtes de Broye-les-Pemmes. Là. Par contre, eh bien, le 31 octobre de 14h30 à 19h, c'est le jeudi, eh bien, un thé dansant avec Hippolyte Corigliano. Donc, il y aura une buvette. Ça, c'est bien. Et un buffet en chaîne. Non, je déconne. Donc, ça sera Hippolyte Corigliano, donc à la salle des fêtes de Broye-les-Pemmes, ce jeudi 31 octobre. Donc je vous rappelle encore une fois le numéro, c'est le 06 87 79 67 37. Je répète, 06 87 79 67 37. Voilà. Chantons tous avec Musette Party. C'est réussi. Musette Party a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Nos cœurs que plein d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis, Musette Party, c'est notre vie. Et c'est parti, dans son chantons tous avec Musette Party. C'est réussi, Musette Party a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guette, ça remplira les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin, un peu d'accordéon, c'est bon. Eh bien, auditrice, auditeur, internaute, et bah, c'est tout, j'ai tout dit. Et Clémence, eh bien, merci d'être venue. Ben, merci, merci de nous avoir écoutés. Voilà. Et puis merci aux éditeurs aussi. Oui. D'avoir téléphoné, d'avoir réagi au petit jeu. C'est vraiment très agréable. Au petit jeu, au petit matin. Voilà. Se promener à lapin. Quand soudain, oui, t'as vu de la lumière, t'es rentré. Je suis rentré. Voilà. T'es perdu, t'es rentré, t'as vu ça. Hop. Tiens, au fait, je joue de l'accordéon, tiens. Je peux venir. Non, c'est moi qui t'ai invité alors. Tu joues de l'accordéon, t'es venu, donc voilà. C'est voilà. C'est un grand merci. En tout cas, j'espère que tu reviendras parmi nous. Mais bien sûr. Hein? Avec plaisir. Bon. Parmi nous. Miaou. Alors, bon retour du côté de la Somme, de Marchais-le-Pau. C'est ça. Marchais-le-Pau. C'est ça. Et bon, t'es dansant pour demain. Merci, bah toi aussi. Bah, n'oublie pas de reculer l'heure. Ah oui, c'est vrai, on change d'heure. Parce que si je recule pas, je serai en avance, là. Hein. Change pas. Ouais, voilà. Tu seras à l'heure. Un conseil ne change pas d'heure. Un conseil ne change pas. Comme ça, je serai à l'heure au moins. Voilà. Là, je vais peut-être rester à l'ancienne heure. Oui, je vais dire à Christelle, ça y est, j'ai trouvé la solution. Ouais, il ne faut pas changer d'heure pour Cyril. Non. Oui, c'est une bonne idée. Hein. Ah, ben oui. C'est vrai. Eh bien, Gros bisous à vous toutes et à vous tous. Les programmes continuent, mais avant de se quitter, eh bien, on avait engagé, enfin nous sommes engagés dans un jeu, dans quelque chose de que l'on ne fait pas régulièrement. On en fait, mais pas tout le temps. Voilà. Et donc c'est un CD qui nous a été remis par Clémence Duchaussois. Je sais pas si tu connais. C'est qui? Voilà. Elle nous a remis en fait un CD pour vous, donc vous avez de la chance. Hein. Merci. C'est genre. Avec plaisir, c'est normal. Donc le bal de Clémence, 18 titres hein, dans cet album. Alors si il y en a qui veulent se le procurer, c'est de... t'en as encore plein. Oui. Enfin quelques-uns. Enfin il commence à s'épuiser quand même. Ah ben bah, il y en a qui sont partis, mais il y a quand même du stock. C'est pas vieux, donc ça va. Bon, eh bien on peut t'appeler directement. Donc on rappelle encore une fois ton numéro. Notez bien. Donc le 06 50 54 16 56. J'ai noté. C'est bien 06 50 54 16 56. C'est hein. Ça. Ah oui, voilà. J'ai pas triché, hein. voilà. Donc, le ou la gagnante, eh bien, attention, on va faire le tirage au sort. Alors, il faudrait une main innocente. Moi, je suis innocent, hein, j'ai rien fait. Hein. Alors, attention. Alors, c'est le... C'est Madame Vincent. Madame Vincent Jacqueline, voilà, qui remporte ce CD. Voilà. De Clémence. Bravo à vous. Voilà, bravo à Jacqueline. Et donc, elle recevra le CD prochainement dans sa boîte aux lettres. Voilà. Dédicacé alors, on va le faire dédicacé. Avec grand plaisir. Pour Jacqueline. Eh bien, on va se quitter avec, du coup, il fallait donner la réponse, Jules. C'est hein ça. C'est ça, hein. C'est ça. Ouais, j'ai gagné aussi. Tu le savais aussi. Donc, Mélodie pour Jules, on va se quitter avec ce Boston, Mélodie pour Jules. Et ensuite, il y aura encore deux dédicaces, s'il vous plaît. J'en ai peut-être oublié hein, aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de tout faire. Hein. Je suis désolé. Il me faudrait au moins 2 heures de plus. Tu vois, déjà 3. Là, je déborde déjà. Normalement, j'ai 2 heures d'émission. Là, on en a 3 là. 5 heures d'émission, il faudrait. La journée. Oui. Alors, c'est. Alors, c'est pour Marie. Alors, Marie-André, elle a demandé donc Carillon d'Alsace. Très jolie valse. Hein. Oui. Donc on aura le plaisir à l'écouter par André Verschuren. Bah, allez, tant qu'à faire. Bah oui, c'est lui qui l'a fait, je crois. Non ? Je sais plus. Oui, tu sais plus. Enfin, ça sera André Verschuren. Et toutes les femmes sont belles. Alors là, c'est pour Yvette et Marie-France Marshall. On a même le nom de famille. Et c'est de la part de Maurice et Marie. Donc ils ont demandé « Toutes les femmes sont belles ». C'est mignon. C'est gentil, oui. Voilà. C'est... Et ça sera interprété par Denis Sambach. Voilà, c'est un Alsacien. Donc on se quitte avec tout ça. En attendant de se retrouver, c'est-à-dire la semaine prochaine pour nous, hein, pour un nouveau numéro de Musette Party, eh bien, bonne semaine. Et merci Clémence encore une fois. Gros bisous à vous. Vous êtes super, ne changez rien. À la prochaine. Au revoir, à bientôt. Salut. Salut.